Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue une nouvelle fois dans les Staminaires, votre rendez-vous société, techno et culture pop. Je m'appelle Matt, c'est moi le taulier de l'établissement tant qu'on n'a pas trouvé mieux et je remercie une nouvelle fois nos piliers de bar que sont Mister Yonda. Salut Yonda. Et bonsoir. Hey, qu'est-ce que je te sers mon petit Yonda? Eh ben écoute, tu vas mettre la même que la dernière fois, une bonne Darwin, une blonde. D'accord, on va monsieur V pour Valentin, salut Val. Eh bien le bonsoir, comment ça va? Qu'est-ce que je te sers Val? Ah bah je sais pas, serre-moi les couilles. Il y aura évidemment un tri-poum-poum-pa-ting qui sera rajouté en post-prod, hein, forcément. Et bien sûr, l'homme qui n'aime rien, monsieur Chris 2, salut Chris 2. Salut. Qu'est-ce que je te sers, mon petit Chris 2? Écoute, moi, je vais prendre un petit godet de larmes de rageux. Hein, je sais qu'on en a pas mal qui coulent, donc je vais prendre ça, moi. Si t'as ça, éventuellement, en boutique. Alors, le problème, c'est que dès qu'on s'en sert, ça fait une sorte de bruit de tut-tut. Ça fait un peu quand on sait tut-tut-tut-tut les rageux, comme ça. Tut-tut-tut, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit... Blablabla. Attends. Ouais. Bon, ça va? Bah écoute, pour ma part, oui, ça va très bien. Blague à part, je teste ce soir en direct la Polaner, je sais pas, une Weissbier qui vient de Munich. Ah, une bière espagnole. Une bonne bière espagnole, Que voilà, que je vais goûter. 5°5, ça a l'air gentillet, quoi, pour ce soir. Ben, voilà. Tu nous diras s'il faut la rajouter à la carte, voilà, à la suite de tout ça. Eh bien oui, je peux déjà te le dire, elle est fameuse. Valentin, cette bière fait-elle rôter? Non, car aucune boisson ne me fait rôter, c'est un de mes... Je pète énormément par contre du coup, puisqu'il faut bien que l'air sorte par quelque part, mais je ne sais pas rôter et c'est terrible. En fait, c'est une malédiction parce que ça fait mal au bide. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Tu peux dégoupiller un peu ton nombril pour laisser un peu... Moi j'arrive à roter sans bière pour le coup, c'est l'inverse en fait. Je rote peut-être les trucs qui sont restés normalement à l'intérieur de Valentin, mais ce sera une autre histoire, on pourra creuser ça. Ouais, j'ai peut-être une Stargate dans mon œsophage qui ramène vers ton œsophage à toi, je ne sais pas. 2 minutes 30 et les gens ont déjà coupé le podcast, c'est assez extraordinaire quand même. Non, parce qu'en fait, parmi les gens, il faudrait qu'on salue. Il y a des gens très importants qui écoutent le podcast, et notamment mon frère. Et il faut savoir que mon frère a découvert le podcast parce qu'il suit Chris. Voilà. Ah. C'est... Et pas parce donc que c'est ton frère. Exactement. Je l'ai quand même appelé, du coup, hier soir, pour savoir. Il dit, écoute, il faut qu'on sache. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu suis ce podcast pour moi? Est-ce que tu le suis pour Chris? Comment t'as découvert le truc? Alors d'abord, il le suit pas tant que ça, tu vois. Il a beaucoup d'épisodes de retard. Mais effectivement, en fait, il est abonné à la chaîne de Chris. C'est mon neveu qui se renseigne sur les comics. Suit des youtubeurs connus, notamment Chris de Comics Race, enfin Chris de Comics Race. Il suit Marvel également. Et puis voilà. J'ai donc un neveu de 11 ans qui se renseigne sur les super-héros en suivant vos vidéos. Mais alors évidemment, je lui dis de suivre Mister Yonda. Évidemment, c'est plus orienté lecture en fait que personnage Yonda. C'est plus compliqué pour les enfants peut-être, j'ai l'impression. Ouais, mais du coup, vous avez une grosse responsabilité parce que si mon neveu apprend de nouveaux gros mots, ce sera de votre faute, les copains. Donc voilà, faites fils de pute. la grosse angoisse, c'était pendant un moment de me dire que bah en fait non, tu vois, c'est salaud de frère quoi. Le mec suit l'émission pour Chris. Tu dis qu'il a beaucoup d'épisodes de retard, mais comme c'est genre le 4e épisode, c'est qu'en fait il écoute pas quoi. Parce que si au bout de 4 épisodes t'as déjà beaucoup en retard, il a écouté que le pilote quoi. C'est ça, il a 2 épisodes de retard. Il a encore jamais entendu la voix de Yanda en fait. C'est dingue. Un vrai scandale. Mais bon, toi aussi t'as des rapports bizarres avec ton frère, Chris, c'est ce que tu disais? Ouais, demain, donc à l'heure où vous écouterez ce podcast, il sera déjà sorti. Mon frère, il sort son film qu'il voit comme le premier film d'horreur normand depuis 1985. Ça s'appelle Une fin dans la nuit. Et c'est disponible sur Vimeo, parce que YouTube ne va pas du tout aimer son film. donc c'est disponible sur Vimeo. Et puis, voilà. Et toi, c'est un film que t'as pas vu, on est d'accord? Ben voilà, alors il faut savoir qu'ici... Ah, putain. Je n'ai pas encore vu le film de mon frère, alors que Valentin a vu oui, le film de mon frère. Je pensais que tu l'avais vu, dis donc. Et non, je ne l'ai pas vu. Et il y a d'ailleurs un caméo extraordinaire au tout début du film. Tout à fait, j'ai fait une petite apparition. Oh, mon modeste jeu d'acteur, tu me connais, moi, puis tout en simplicité, hein, il n'est pas question de me mettre en avant. Et en réserve. Il t'a pas montré justement pour pas que tu demandes le cut, en fait. Non, mais enlève ça, on va la refaire. Non, mais il m'a dit que je ne le verrai que quand la musique sera finie, puisque à l'heure d'ailleurs où on enregistre, le film sort demain, mais la musique n'est pas finie, hein, puisque c'est mon frère qui est toujours extrêmement pointu dans son organisation. Alors, il faut savoir un truc quand même. même, c'est que j'ai dû me repasser le début. Tout le film, j'aurais eu du mal à le voir deux fois de suite quand même. Mais, mais j'ai dû me repasser le tout début parce que vous vous ressemblez tellement dans vos mimiques, toi et ton frère, que j'ai pas capté. En fait, j'arrivais pas à savoir si c'était toi ou si c'était ton frère. Et vrai, donc j'ai dû remater le début pour voir que c'était bien. Comment toi. Ça s'appelait ce jeu? Qui est qui, c'est ça? Qui est qui avec Marion Chapin? Qui est qui en regardant, le... mais en oui, regardant la vidéo de Clem? Exactement. Non, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous le disent, notamment dans l'intonation. Il paraît qu'on a le même genre d'intonation quand on parle et tout. Oh. Et nous, on ne s'en rend vraiment pas compte. Enfin, moi, j'ai vraiment pas l'impression. En plus, on a des caractères assez différents en vrai et tout ça. Et pourtant, les gens nous disent qu'on est très très semblables. C'est assez marrant. Je sais pas si vous avez le même cas avec vos frères et sœurs éventuellement. Mais moi, je m'en rends pas compte. Alors que c'est quelque chose qu'on nous dit très. Enfin, quasi systématiquement, donc c'est que ça doit quand même être vrai quand tout le monde te le dit, tu vois, il y a un moment difficile de le nier, mais et si on faisait un numéro spécial frères et sœurs, hein? Cela dit, je déconnais qu'à moitié quand je disais que j'aurais pas pu le voir une deuxième fois d'affilée. C'est particulier, mais c'est vraiment une expérience à vivre, ce film. C'est ça, en fait, c'est difficile. Je peux difficilement le décrire autrement. C'est une expérience. Ouais, c'est comme fréquenter c'est l'un ou l'autre des deux frères au quotidien, quoi. C'est ouais. Particulier, et encore, mais c'est tu ne fréquentes que très rarement les deux frères en même temps. Il paraît que c'est un vrai calvaire. Je l'ai fait que deux fois, je crois. Ouais, peut-être à Geek Life, je pense. Ou ouais, et chez toi. Et chez toi. Ouais. Ah oui, chez moi, c'est vrai. Ouais. Mm. Car oui, nous voyons parfois en vrai. Hein. Mais c'était avant le confinement, avant le grand confinement. Avant le grand souviens-toi, les jeunes ne savent pas de quoi on parle. On s'est vu pour une fête chez toi. D'ailleurs, on attend toujours la recette du fameux gâteau aux bonbons, gâteau aux Smarties. Alors voilà. Qui était une sorte de, ma de maman bricolage. Et la spécialiste, non, ce n'est pas un bricolage, c'est une vraie recette de ma maman. Je c'est ne le vous gâteau permets pas, monsieur. C'est le gâteau aux Smarties, d'accord. Et ce gâteau est légendaire parmi mes amis, sache-le. Et régulièrement, les gens réclament le fameux gâteau aux Smarties de ma maman. Et la prochaine fois, en exclusivité, je vous donnerai la recette de ce gâteau. Quand ma mère l'aura retrouvé, parce qu'à chaque fois elle fait un gâteau, mais c'est jamais vraiment la même recette. Donc on va essayer de mettre ça sur le papier une bonne fois pour toutes. Tu veux pas qu'on l'invite? Elle vient faire un épisode avec nous. Banco, la prochaine fois on invite ma mère pour le. Non, c'est un peu compliqué parce que je pense que techniquement elle aurait du mal à gérer. Mais par contre, je peux essayer d'enregistrer ma mère en train de t'expliquer la recette du gâteau Smarties et tu pourras l'intégrer dans cette émission. C'est promis, on fait comme ça. Moi j'avais fait la vodka au Chocapic. C'était il y a très très longtemps, il y a 12 ans au moins. Alors, est-ce que tu mets les chocs à pic dans la bouteille de vodka ou est-ce que tu mets de la vodka dans ton bol dans ton choc à pic? De mémoire, mais c'était le lendemain en gueule de bois, donc j'étais pas très frais. De mémoire, j'avais mis la vodka par-dessus les chocs à pic qui étaient dans le bol. Alors, je ne vous le conseille pas parce que c'est pas bon. Voilà. Parfois, on se dit comme ça d'instinct, tiens, c'est pas bon, mais peut-être que, mais là, non, c'était vraiment pas bon. Voilà. Et quand on pense qu'il y a des gens qui cherchent des recettes à faire pendant le confinement, alors que ouais, tu vois, c'est les gens qui font du simple. Pain ou des choses bah comme oui, ça. C'est tellement ça. Alors que tu pourrais faire des barres de comté au Nesquik, c'est très bon. Non, me dis pas que tu as fait ça quand même. Si, c'est bien, c'est bien. Oh, il faut que tu découpes des barres de comté, normal, il faut qu'elles soient un peu humides, alors soit tu les trempes dans du lait, soit tu suces ta barre de comté. Ah. Et après, une fois que tu le trempes dans ton pot de Nesquik, t'as une barre de comté au Nesquik, quoi. C'est un peu, voilà. D'où Jésus. C'est logique. Bah, et puis que c'est que des bons produits, tu vois. C'est, au moins, on sait ce qu'il y a dedans, c'est pas comme les Twix ou ce genre de bêtises. Ou les Chocapic. Voilà. Yanda, vous êtes beaucoup plus sage que nous avec la nourriture, j'ai l'impression. Oui, écoutez, moi, je suis en train de boire, donc faites vos trucs. Moi, je picole, hein, et voilà. On m'a dit bien, on fait un i-apéro, comme c'est la mode en ce moment. Voilà. Donc non. Ouais. Après, au niveau bouffe, sinon, oui, je suis très soft. Je tourne aux pâtes. J'ai un régime pâtes assez exclusif. Est-ce que tu les fais cuire? Oui. Mais c'est mieux. Mais je ne les agrémente que très légèrement. C'est-à-dire que moi, pâte beurre, c'est bon, on y va. Tu vois, le repas est là, le repas est présent. À la dure, quoi, à la dure. À l'ancienne, à la vraie de vraie, un peu comme un filtre de café, tu vois, c'est à la dure. Mais du coup, si on est ce qu'on mange, est-ce que tu es une cannelloni? Attends, il y a eu un remix, Val, tu peux me redire? Non, non, c'était pas du tout intéressant, je te demandais si tu étais une cannelloni. Si, c'était très, très pertinent, je trouvais ça très pertinent. Non, moi c'était juste un rapport, le fil de café, juste pour dire que c'était un, évidemment un clin d'œil hein, à l'épisode 2 de notre podcast. Dans les épisodes précédents. Souvenez-vous, dans les épisodes précédents, le Lestaminerd. Et justement, dans les épisodes précédents, je me demandais, on a tous des petits trucs un peu honteux avant de commencer pour de vrai ce podcast, mais c'est quoi le premier job que vous ayez fait? C'est quoi votre premier job? Est-ce qu'il y a des trucs à raconter sur... Je suis sûr que c'est une mine à conneries, le premier job qu'on ait pu faire. Non, moi, tu sais, c'était mettre des... je pense que c'était de mettre des légumes surgelés dans des cartons, un truc comme ça. Quoi. Dans mon anus. C'était mon premier job. Des carottes, absolument. Une petite vidéo sur... Les carottes, ça passe bien. La patate, ça dépend. Faut bien choisir la taille. Mais les carottes... Ouais, les pommes de terre grenaille, quoi. Faut pas prendre... voilà. C'est ça. Non, premier boulot, non, pas hyper passionnant. C'est juste, ouais, mettre des légumes. Genre dans une usine, quoi. Ouais. Des boîtes de surgelés pour la grande distribution. De mémoire, c'est mon premier boulot, ouais. Absolument. J'ai fait postier aussi pendant 10 jours. Ça, c'était rigolo. Mais comme je suis malade en bagnole, sauf quand je conduis, mais alors là, étonnamment, j'étais malade même en conduisant. Parce que tu t'arrêtes tous les 10 mètres et donc tu passes ton temps à descendre de la bagnole, à reprendre ta bagnole. Et puis, c'est en campagne, donc c'est des chemins pleins de trous, de bosses et de. Voilà. Et donc, j'étais malade même en conduisant. Non. Si t'étais malade en étant facteur de campagne, c'est parce que tu t'arrêtais boire un canon à chaque fois que tu déposais une lettre. C'est pour ça que tu étais malade. Faut pas le dire. Non, mais par contre, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver du coup, d'ailleurs. Ça tombe bien parce que pour ton anniversaire, on t'a offert un voyage pour faire le Paris-Dakar. Donc tu vas être vachement content. Formidable. J'ai hâte. Moi, c'est pas sur mon tout premier taf. Parce que c'était. Je bossais dans une centrale de télésurveillance. Donc j'étais en fait la personne qui était chargée de surveiller quand les alarmes se déclenchent et ce qu'il fallait faire et tout. Donc c'était. C'était un premier boulot, somme toute basique et lambda. Il y avait quelques histoires avec des casses et tout et des maîtres chiens. Bon, c'était pas fifou, mais il y a plus, j'ai plus en mémoire un truc marquant. Ça devait être après, soit après ou un coup après ou sur après. J'ai bossé du coup 3 jours et demi en comptant la formation de 3 jours. En tant que représentant commercial pour l'Union des déficients visuels. Et donc en fait le principe c'était d'aller faire du porte-à-porte pour aller chercher des dons. On a tous une tonne de blagues malsaines déjà. Ouais, c'est ça. Complètement. Et pour aller faire donc du porte-à-porte pour récolter des dons pour les déficients visuels ou pour les centres d'élevage de chiens guides, etc., etc. Donc on avait eu 3 jours de formation au siège en mode hyper sérieux par le boss qui nous avait briefé, machin, etc. On était là, bon, ok. J'avais la petite vingtaine, un truc comme ça, donc encore un peu branleur. C'était l'année dernière, quoi. C'est ça, vous êtes gentil. et du coup, donc on fait des 3 jours de formation, et puis en fait, pas de... Alors, on avait fait quelques jeux de rôle, mettez les guillemets, au moment des formations, mais c'était entre nous, donc c'était pas fifou. Et arrive donc le quatrième jour au matin, il nous dit, voilà, vous êtes lâchés sur tel secteur... Et vous tournez dans le secteur dans la matinée. En gros, on nous a posé à un endroit à 9h et on nous dit on revient vous rechercher à 13h. Et en attendant, allez-y quoi. Bon, ok. Et là, j'ai fait une porte, je me suis fait claquer la porte au nez, 2 portes, claquer la porte au nez, 3 portes, claquer la porte au nez. Je dis allez, nique sa mère. J'ai tout plaqué et j'ai pris le bus et je suis rentré chez moi. Faut dire que t'as pas un faciès facile en même temps. C'est vrai. Je n'inspirais sûrement pas la confiance pour les aveugles. C'est vrai. Mais du coup, c'est quoi la formation? On t'apprend à glisser, à laisser un pied dans la porte au cas où, tu vois, pour la discussion, on t'apprend à garder le sourire, à sonner une deuxième fois quand tu te fais rembarrer, à... parce que tu dis c'est... Non, enfin, j'ai pas souvenir de trucs comme ça. Alors déjà, il y avait une bonne journée de présentation de la structure, parce que pour le coup, c'est une structure étatique, c'est hyper sérieux, ils sont là depuis hyper longtemps, et voilà. Donc ils ont tout plein de connexions, donc il y avait une bonne journée où on nous a présenté du coup l'Union, qu'est-ce qui était fait des dons, pour que nous, on ait un visu de comment l'argent était utilisé, pour qu'on puisse être encore plus crédible auprès des gens, parce que voilà, tu sais où ça va, donc t'es forcément forcément plus convaincu quand tu parles d'un truc que t'as vu. On était allé aussi visiter un centre de chiens guides et tout, voilà. Donc il y avait eu ça. Après il y avait eu quelques jeux de rôle sur d'éventuels techniques, mais je me souviens d'un truc. Autodéfense. Ouais, d'autodéfense. Vous mettez la porte tout de suite. Dès que la porte s'entrouvre, vous mettez le pied pour bloquer. Ouais. Comment péter la chaînette avec le tranchant de la main? C'est ça, exactement. Mais après, il y avait plus des techniques de commercial, mais relativement lambda, c'est-à-dire des trucs qui, en fait, on t'explique, et c'est un truc qui est très vrai et qui s'applique à tous les métiers de la vente au sens large, c'est-à-dire qu'en fait, un bon vendeur est avant tout un bon observateur. Et qu'en fait, à partir du moment où t'arrives à rentrer chez les gens ou à entrevoir quelque chose de chez les gens, bah, à toi d'aller récupérer une information pour pouvoir l'utiliser à ton avantage, pour faire ce qu'on appelle briser la glace et du coup, rentrer dans le cercle de sympathie de la personne et que, au moins, en tout cas, elle t'écoute. Donc, bah, tu vois un gosse sur l'étagère, tu dis, ah oui, moi aussi, j'aime bien faire fister le. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. OK. Et du coup, voilà, donc c'était plus des petits tips comme ça parce que t'as pas vraiment, après, voilà, oui, ils faisaient des jeux de rôle, mais j'ai toujours trouvé ça, très con, même après, quand j'en ai fait pour d'autres boulots, dans les formations, les jeux de rôle parce que, alors ça peut décontracter des personnes qui vont être vraiment très réservées et introverties, mais je suis pas persuadé de la pertinence du truc quand tu te retrouves vraiment en situation que tu vas te dire ah oui mais ouais, attends parce que ça se passe jamais comme ça en vrai. Ah quoi. non et puis t'es avec des gens que tu connais ou des potes ou voilà donc c'est encore plus faussé selon moi. C'est d'ailleurs pour ça que tu peux être commercial dans les si jeux de formation parce que je vais toujours à l'extrême et voilà mais voilà c'était mon. Tu peux être commercial si t'es introverti? Tu peux, mais c'est compliqué. Bah oui, c'est pour ça ce que tu dis. Enfin, les mecs ont loupé leur voix, quoi. Ouais, après, t'as des commerciaux qui sont de caractère introverti et qui sont très bons parce qu'ils vont procéder autrement. Parce qu'ils vont être très portés sur l'empathie. Et qui vont, en gros, je caricature un peu, mais c'est l'idée, ils vont inspirer un petit peu de pitié auprès des gens. Et du coup, ils vont être vachement plus. Ouvert à la personne, il y a moins méfiant vis-à-vis de la personne. Si vous faites pas de dons, moi je vais perdre mon travail et puis ouais. Ensuite je vais. Ouais. Si vous claquez cette porte, je pars. Ça me rappelle une autre anecdote mais qui est arrivée bien plus tard, qui est très drôle aussi, mais c'est dans d'autres boulots, donc j'y reviendrai après si vous voulez d'autres anecdotes parce qu'elle est pas mal. Mais en tant que commercial, oui, après souvent. Mais alors attends, juste un truc, t'appelles ça commercial, enfin, les mecs qui démarchent pour des associations, genre les mecs pour Médecins Sans Frontières et tout au coin de la rue à qui on met des vents tous quand on passe le midi, enfin quand on est déconfiné, c'est pas des gens de l'association, c'est des commerciaux et ils sont payés pour faire ça? Alors dans ce cadre là je sais pas, même si je doute qu'ils fassent ça purement bénévolement. Si, la réponse, c'est si. C'est ça la réponse. Si, ils sont payés, c'est leur job, en fait, c'est ça. Bah voilà, donc très bien. Mais si, après oui, c'est des commerciaux, puisque, enfin, à partir du moment où leur objectif, c'est de te faire lâcher de l'argent, c'est qu'il va te vendre un truc. Alors, tu vas faire un don, mais il t'a vendu le don, parce que initialement, t'étais pas parti pour le faire. Ah, tu veux dire comme les YouTubers comics? Avec leur ouais, Tipeee, tout ça par exemple, ouais, ah, par, exemple, okay. Ouais. Par exemple. Ou comme les gens qui t'appellent pour te dire t'as gagné des cadeaux, va les retirer dans un magasin de canapé, puis t'arrives pour retirer 3 cadeaux et tu repars avec un canapé. J'ai bien connu. Ah bah moi aussi. J'étais venu en vélo, et attends, j'ai attends, pas prévu. Moi je suis que pour les cadeaux. Mais ouais, non, mais c'est. Et, t'as fait ça? T'as vendu des canapés à des mecs qui étaient venus chercher des cadeaux? Ouais. J'ai fait. Bon, on est en train de faire mon CV, mais ça, ouais, en fait, j'ai commencé par bosser au téléphone. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait partie des gens qui t'appellent en te disant « Eh bonjour, vous avez été sélectionné par un huissier du CIF pour faire un jeu téléphonique. » Tu prenais cette voix-là avec ce cheveu sur la langue Pas forcément. Il y a des fois, tu le fais parce que c'est chiant, parce que quand tu passes entre 400 et 500 appels dans la journée, au bout d'un moment, tu essaies de varier un peu parce que tu as le même speech tout le temps. Oui, bonjour. Mais, ouais, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai fait une saison, c'est-à-dire 6 mois au téléphone. Et au bout des 6 mois, la responsable de plateau est venue me voir avec des potes à moi et elle nous a dit « Mais vous avez rien à faire au téléphone, il faut que vous alliez en magasin directement. » Parce que vous allez vachement plus vous éclater. Pas que j'étais pas que j'étais trop bon, mais du coup j'étais j'étais très déconneur. Tu n'exploitais pas tout ton potentiel, quoi. Exactement. Ouais. Un peu grande gueule, un peu avec du wawa et tout ça, et donc voilà quoi. Et donc du coup elle nous avait présenté son frère qui était directeur de magasin, et le mois qui a suivi on est parti faire les tours de France à aller vendre des canapés, où effectivement les gens sont contactés par téléphone pour aller retirer des cadeaux dans un magasin de canapés. Magasin de canapés qui est bien souvent, vous avez peut-être vu des reportages déjà à la télé, souvent dans un hangar ou dans un préfabriqué ou dans un truc un peu lasdeg, parce que pour mieux disparaître pour rester un mois. Et l'objectif c'est que les gens viennent chercher des cadeaux, mais l'objectif c'est qu'ils repartent avec un salon, quoi. Alors donc, mais est-ce que c'était des canapés confortables? Eh bien oui. Parce que figure-toi qu'ils étaient faits par le meilleur ouvrier de France, dans une petite usine française familiale. Donc inutile de te dire qu'on était sur de la superbe qualité. Eh ben, et franchement, si j'avais un cadeau, j'achèterais un canapé là, au point d'en être. Et Yama, ces mobiliers étaient-ils onéreux? En termes de facture, oui. En termes de coût réel, non. Voilà. Mais après, enfin, ça encore, tu veux. Si tu es en train de dire que vous vendiez très cher des choses que vous achetiez pas cher? On faisait du commerce. Voilà. Très bien. D'accord, très bien. Voilà, c'est un moment où il y a une marge, il y a une marge à faire. Mais oui, après, c'est la technique de vente qui est particulière, et c'est que derrière, surtout le plus violent, on va dire, là-dedans, entre guillemets, c'est que en fait. Plus que vendeur de meubles, en l'occurrence, t'es surtout vendeur de crédit, en fait. Puisque sur la majorité des gens qui venaient, très peu payaient comptant ou alors en X fois sans frais, la majorité partait avec des crédits, quoi. Donc j'ai vendu du crédit au travers de meubles flingax. Et voilà. Avec des, j'ai rarement eu des remords sur les ventes que j'ai pu faire. Mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Est-ce que t'as rencontré la mère de tes enfants lors d'une transaction canapé? Non. Auquel cas, t'aurais pu avoir des remords, tu vois. C'est, ouais, faut que je te parle de quelque chose. Tu sais, 4 ans après. Ouais, faut que je te dise. Le salon que tu as là, ouais, c'est fou. Non, mais par contre, c'est un réflexe que j'ai gardé. C'est que quand je vais chez des gens, parce que les salons de magasins précaires, ce qu'on appelle les magasins précaires, c'est ces magasins-là. C'est des styles assez reconnaissables. Et du coup, j'ai gardé un peu ce réflexe. Quand je vais chez les gens, je regarde le canapé des gens pour voir à peu près d'où ça vient et si ça vient d'un préc. Parce que ce qui est très drôle, c'est que... Et tu juges après en fonction de ça. Il arrive chez toi, il dit « Ah, tu t'es fait niquer, toi. » Ouais, non. Alors, ça, c'est drôle parce que, tu vois, souvent, les gens... Alors là, le pourcentage, je saurais pas te dire, mais souvent, en fait, les gens qui achètent dans ces types de magasins-là découvrent le poteau rose quelques mois ou quelques années après. Et en fait, de honte, quelque part, je pense, ils ne disent pas qu'ils l'ont acheté, ils disent qu'ils l'ont gagné, en règle générale. Souvent, ce qu'ils entendent, c'est qu'ils disent « Ouais, non, mais je l'ai gagné. » « Tiens, ouais, tu l'as gagné, ouais. » On connaît. Mais ouais, non, après, voilà, c'est... Après, par contre, c'est une très très bonne école de vente, pour le coup. À partir du moment où t'as fait de la vente comme ça, tu peux aller vendre tout et n'importe quoi derrière. Et c'est une école de vie aussi, parce que on était en déplacement toute la semaine. Alors, quand moi j'ai commencé, c'était du lundi matin très très tôt jusqu'au samedi soir très tard. Donc, t'as clairement pas de vie après à côté de ça. T'es logé du coup en gîte, référence encore une fois à mon histoire de la dernière fois. Donc t'es logé en gîte avec les mecs et les nanas avec qui tu bosses. Donc, en gros, la semaine, voilà, la journée t'es au magasin, tu vends. Le soir tu racontes les anecdotes que t'as eues, tu fais des essais, tu fais de la formation, tu fais. Ben voilà, c'est du boulot non-stop. Mais c'est très très formateur. Hein. Mmh. Est-ce que c'est bien payé? Eh ben c'est payé à la commission. Donc, si tu vends bien, c'est donc toi, t'étais très payé. Très bien payé. Non. J'ai fait de tout. J'ai fait des mois à 300 balles et j'ai fait quelques bons mois, ouais. Si vous nous écoutez depuis votre canapé vendu par Yanda, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Là, t'as un mec qui est en train de ruiner son accoudoir. Là. Ah putain, c'était lui. T'imagines, il y a des mecs qui regardent les vidéos de Yanda depuis des années en sachant pas. Je l'ai vu quelque part. Je me disais bien aussi. Ouais. Non, mais après j'étais très enfin j'étais très au clair avec ce que je faisais et il n'y avait vraiment pas de soucis. La seule fois où j'ai eu des remords, c'était justement dans une période difficile. Donc j'étais sur un mois difficile où je savais que le salaire qui se profilait n'était pas mirobolant. Et j'étais donc du coup en négoce avec un couple. Mais je savais que, enfin voilà, s'ils achetaient, avec ce crédit-là, ils se mettaient dedans comme il faut, quoi. Monsieur était chauffeur de bus, madame, la pauvre, était cotorep, donc elle ne travaillait pas et elle avait une pension d'invalidité. Et là, j'étais un connard, ouais. Là, j'étais un connard parce que madame aimait beaucoup le canapé. Mais parce que voilà, madame psychologiquement n'était pas forcément très apte à être lucide et raisonnable, monsieur en revanche beaucoup plus. Et du coup là, dans ces cas-là, c'est aussi pour ça qu'on demande aux gens de venir à deux, c'est que tu tires sur la corde sentimentale, c'est-à-dire que tu regardes le mec et tu dis bah monsieur, il faut faire plaisir à madame quand même. Regardez, madame, elle aime le salon. Elle le verrait bien, vous le verriez bien chez vous, madame, le salon. Ah bah oui. Eh ben voyez, monsieur. Et là, t'as monsieur qui te dit, ouais, mais non. Tu veux la garder, ta femme, hein? Mais ouais, hein, c'est un peu ça. Hein. Et le mec te répond, te dit, non, mais attendez, tous les mois, je finis à 30 euros de découvert. Et tu lui dis, ouais, mais regardez, la mensualité du crédit, c'est 30 euros. Donc 30 euros de découvert ou 60 euros, c'est pareil. Et puis là, au moins, vous feriez plaisir à madame. C'est horrible. J'en ris aujourd'hui, mais je l'ai dit de façon très sérieuse. Yanda, voilà. Sache que nous te jugeons. Je sais. Et nous sommes extrêmement sévères. Mais tu sais que très souvent, quand je vois ma famille aujourd'hui, ma femme et mes enfants, je me dis putain, mais j'ai quand même un karma assez cool. Parce d'enculé, que, histoire d'apprendre un nouveau mot aux enfants, ouais, qui nous écoutent, un karma d'enculé. C'est ça. Mon fils de 7 ans vient de l'apprendre. Je te jure, j'ai souffert ce jour-là. Karma ou enculé? Je crois que c'est à cause de moi, non? En plus. Oui, c'est possible. C'est possible. Il faut pas écouter les messages de Chris très fort dans le salon familial. Mes excuses. Moi, en tout cas, ce que je note, c'est que je regrette que Yanda ait œuvré pour une association de malvoyants et pas de malentendants, parce qu'on aurait pu faire beaucoup plus de blagues. On savait qu'on était tranquille. Et mon premier job, moi, c'était sur un peu comme Yanda. D'ailleurs, c'était une plateforme d'appel, sauf que en l'occurrence, je n'appelais pas les gens pour vendre. C'est les gens qui m'appelaient pour te vendre des choses. Comment? On t'appelait pour te vendre des choses. Voilà, exactement. C'est comme l'émission de France 2, là. Ouais, avec les vieilles mémés qui viennent vendre des Sophie d'avant du téléphone. Non, en fait, je bossais sur la plateforme d'appel de Gaz de France. Donc, les gens m'appelaient quand ils déménageaient, par exemple, pour créer leur contrat, ou fermer leur contrat s'ils allaient là où il n'y avait pas de gaz ou des trucs du genre. Et globalement, écoute, Je n'en ai pas un mauvais souvenir. Ce qui est assez marrant, c'est que à l'époque, les gens avec qui je bossais, et j'ai croisé plus tard des gens qui y ont bossé aussi, parce que voilà, c'est des plateformes d'appel où c'est pas mal de jobs étudiants et tout. Et il y avait des gens qui en avaient un extrêmement mauvais souvenir, en mode ah, c'était horrible, on se faisait engueuler tout le temps et tout. Alors bon, déjà, il faut quand même se remettre. C'est peut-être pas le boulot le plus enrichissant de la terre, mais bon, t'es assis, t'es au téléphone, peut-être que tu te fais engueuler, mais le mec est pas en face de toi, tu risques pas de te prendre un pain. Donc par rapport à plein de gens qui eux tous les jours au quotidien risquent de se prendre un pain de la part d'un mec en colère, il y a déjà un degré en moins. Et deuxièmement, après moi c'est peut-être mon caractère à moi, mais j'ai assez peu de conflits en général, mais dans n'importe quel taf, même dans la vie de tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui va facilement conflictuel, parce que déjà ça me plaît pas de me battre avec les gens, ni physiquement ni même verbalement. Ouais, sauf quand tu vas au cinéma et qu'il y a quelqu'un à ta place, par contre. Ouais, alors là bon, ça là, c'est une par contre. Non, pas du tout en fait. Mais j'ai tendance souvent à prendre ça un peu à la blague et un peu à vanner, tu vois, ou à peut-être jouer peut-être un peu pas la provoque, mais enfin tu vois, à jouer la pique, mais pas si j'arrive dans un endroit et que j'attends 3 heures, je vais plus vanner la personne qui m'a fait attendre que de l'engueuler, sachant qu'en plus ça se trouve elle y est pour rien non plus, enfin tu vois, il y a toujours des, faut toujours comprendre comment ça se passe derrière et pas juste s'en prendre à la personne qui est en face de toi. Donc n'ayant que très rarement de conflictuel, et ben je crois que j'ai bossé là-bas l'été, tu vois, comme job étudiant, genre 2 mois, 2 mois et demi, j'étais à la fac et je pense qu'en 2 mois et demi, j'ai peut-être eu un appel pseudo-conflictuel où en fait le mec t'appelle, il est déjà vénère, donc en fait toi t'attends, il est vénère, tu t'en fous, toi t'es assis au téléphone, tu vois, donc bon bah il gueule, ça l'occupe. J'en ai pas un mauvais souvenir. Effectivement, c'est pas un job où tu peux vraiment t'épanouir toute ta vie et y a pas des possibilités d'évolution folle, mais en tant que job étudiant, c'était pas une mauvaise expérience. Moi, j'en ai plutôt un bon souvenir. Mais si je dois avoir un meilleur souvenir, c'était avant ça, un très bon souvenir professionnel avec des gros guillemets que j'ai. c'est mon stage de troisième que j'ai fait dans un magasin de jeux vidéo où j'étais moi-même client à l'époque, et bon client d'ailleurs, et je fais coucou d'ailleurs aux gens de chez Final Score, s'il y en a un qui passe par là et qui m'entend, et qui a une chaîne de magasins qui a disparu depuis. Si c'est un pote de mon frère, il t'écoute sûrement. Et franchement, c'est possible, et tu sais, des fois t'es surpris, et c'était vraiment une très très très bonne expérience. J'avais bien quitté le stage de troisième, t'arrives, t'es tout timide, tu sais pas et tout, et vraiment j'avais été super bien accueilli, et voilà, enfin c'était mon kiff à l'époque, les jeux vidéo, et j'étais incollable surtout. Et en bonus, maintenant je peux le dire, il y a prescription, j'étais reparti à l'époque avec Metroid Prime qui venait de sortir sur GameCube. C'était excellent. Mon cadeau de fin de stage. Putain, et donc, voilà. Et pourquoi tu dis il y a prescription? Si tu l'avais gaulé, effectivement tu pouvais pas le dire. Non, non, mais si on te l'a offert. Oui, non, effectivement c'était offert par le patron, donc c'était pas. Non, mais tu vois, ah, mais c'est ouf. Je peux dire que j'ai été rémunéré en nature pour mon stage. Trop bien. Et donc ouais, et c'était vraiment une très très chouette expérience. Donc je souhaite à tout le monde d'avoir une première expérience professionnelle, si on peut dire, qui est le stage de troisième que tout le monde doit endurer un jour ou un autre, qui soit aussi cool que celle que j'ai eue. Voilà. Il y a beaucoup de stages de quatrième d'après. Ça, c'est plus que la troisième maintenant. Ah bon? Ouais, mais je sais pas. Tu peux être de plus en plus, on demande aux gamins de plus en plus jeunes de savoir ce qu'ils ont envie de faire, quoi. C'est un truc de scandaleux. Après, à 12 ans, mon grand-père, il allait bosser dans les fermes. Donc, si tu veux, bon, que les gamins se plaignent pas quand ils font un stage d'une semaine. À 8 ans, le mien, il était dans une mine. Donc, voilà, il avait déjà choisi sa voie, tu vois. Mais c'est drôle parce que ça, typiquement, c'est des trucs sur lesquels on revient pas et on demande effectivement aujourd'hui hyper tôt aux gamins sans aucune. Condescendance de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Ouais, moi ça me flippait de ouf au collège, ça. Et en plus, surtout quand tu sais aujourd'hui avec l'évolution des métiers, notamment liés au numérique, etc., etc., que j'avais vu un truc passer, mais du genre 60% ou un truc comme ça, c'était une stat assez importante, des jeunes au collège exerceront un métier qui n'existe pas encore, en fait. Et du coup, tu leur demandes de faire des choix et du coup d'orienter, y compris du coup leur scolarité, sur des trucs qu'ils savent pas et ils sont pas vraiment en capacité de pouvoir choisir quelque chose de concret, quoi. Et donc c'est assez. Surtout qu'aujourd'hui, dans ta carrière professionnelle, tu risques de ratisser assez large en termes de métier. Ouais. Même si tu restes dans un domaine, ton métier déjà il a largement changé au fil des années. Donc t'imagines qu'à 14 ans, et encore, même presque un peu avant au collège, mais enfin on va dire qu'à la sortie du collège, on te dit quelle filière tu veux prendre et tu feras toute ta vie là-dedans. Donc autant te dire que je pense que tous autant qu'on est, on n'a quasiment pas fait d'études dans les filières où on travaille aujourd'hui, ou alors ça a largement changé en route. Donc c'est bizarre, ça n'a jamais changé. C'est comme, tu vois, moi un truc qui m'a choqué, j'ai une petite sœur et on a pas mal d'écart, et donc en fait le système scolaire en pratiquement 15 ans n'a pas changé. Encore au lycée, elle se trimballait des piles de bouquins dans son sac à dos, et là à l'heure des tablettes, des clés USB, d'une société hyper connectée, je suis choqué qu'on mette encore dans le... Moi ça m'a niqué le dos, notamment, tu vois, j'ai encore aujourd'hui des problèmes de dos parlons un peu de ma santé. J'ai encore aujourd'hui des problèmes de dos, tu vois, qui découlent, non mais c'est pas une blague, j'ai des problèmes de dos encore qui découlent de ces époques lycée et collège où j'avais un cartable hyper lourd plein de bouquins. Et les gamins d'aujourd'hui, on leur colle toujours des bouquins de 50 kilos, enfin, on leur met des sacs à dos de 30 kilos sur le dos, tu vois. Et je trouve ça dingue que, en 2020, on arrive encore à coller des cartables hyper lourds. Alors, bien sûr, selon les régions, selon les écoles, tout ça, il y a des variantes, il y a peut-être des endroits où c'est un peu mieux, mais, il y a encore plein de lycées en France, ou plein de collèges en France, où les gamins se trimballent des bouquins super lourds sur le dos, et ça, je trouve ça dingue que ça existe encore. Les bouquins et les cours. Enfin, tu vois, c'est, on prend les cours, il faut quand même, moi, quand j'étais au lycée, j'avais trouvé intéressant d'avoir un classeur plus petit dans lequel je mettais uniquement les 3 ou 4 dernières pages des cours de chaque matière. Et du coup, t'es quand même à jour sur tes derniers cours, mais t'es pas obligé de te transporter genre en mai l'intégralité des cours des 16 matières que tu vas faire dans la journée. C'était une idée de ouf, tu vois. C'est « Ah ouais, putain, c'est pas con et tout !» Non, en fait, on n'a rien inventé, les gars, c'est tout bête. Et oui, on se nique le dos. Heureusement, il y a des sacs à roulettes maintenant, tu vois, c'est encore mieux. Wouhou. Et ben moi, j'étais monsieur du manège. J'étais sur les manèges et je ramassais les tickets pour les enfants. Tu as été forain, donc. Au jardin d'acclimatation. Ah non, j'étais au jardin d'acclimatation. J'étais à Neuilly. Et du coup, j'étais sur les manèges et je ramassais les tickets des gens et je les ramenais en caisse. Des fois. Et des fois, je les ramenais pas en caisse. En fait, c'est un système où tu tu... Alors, je sais pas comment c'est aujourd'hui, je suis pas allé depuis, je sais pas, 15 ans, facilement, 20 ans peut-être. Tu payais ton entrée, puis ensuite tu devais payer. Parce que sa tête a été mise à prix par les forains. Bah, il peut plus y aller. Attends que je finisse mon histoire, tu vas voir. En fait, tu payes ton entrée. De mémoire, c'était 12 francs à l'époque. Et puis après, tu payes. Francs, mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, pour les plus jeunes qui nous écoutent. C'est... était une monnaie locale qui vaut. Alors, c'était quoi la méthode de Jean-Pierre Pernaut pour faire la conversion? Tu multiplies, t'ajoutes la moitié, tu divises par 10, c'est un truc comme ça. Ouais, 1 euro, c'était 6 francs, 955, 957. 55, 957, ouais. Ouais, je sais plus trop. Voilà, donc on doit être sur du 1,80€ pour rentrer, et puis après c'est à peu près 1,80€ aussi. Soit 15€ aujourd'hui. Pour faire ton tour, c'est ça. C'est le prix d'inflation. Conversion. Donc et du coup, on est sur le manège à devoir ramasser les tickets, puis après tu les ramasses en caisse, enfin tu les ramènes en caisse, et puis les gens ils mettent dans leur caisse, voilà. Donc bon, évidemment, t'as toujours les parents qui sont au dernier moment et qui n'ont pas pu acheter un ticket, donc ils vont dire ouais, bah, je peux vous l'acheter à vous. La vérité vraie, c'est non. Donc moi je disais oui, donc bah j'avais l'argent. Et puis t'es pas obligé de le ramener forcément. Oui, et voilà, puis, c'est bah, ça. Sur les tickets que tu ramènes, en général, voilà, tous les 10 tickets, j'en gardais un, tu vois. Et tu finis par avoir quelques tickets dans ta poche que tu peux ensuite échanger et monnayer directement. Bah, t'as les tickets. C'est toi le mec du manège, t'as les tickets dans ta poche. Bon, bah, tu peux vendre directement sur le manège, ça pose pas de soucis, tu vois. Et après, la grosse technique, c'était de repérer les parents qui venaient souvent. Ou qui venaient avec beaucoup d'enfants, ou les nounous qui venaient avec beaucoup d'enfants, et bah, les repérer dans le métro en fait, et de refaire un peu de deal tranquille dans le métro, tu vois. Psst. Et bah ouais. Tu vas au manège. Bah, je te ferai 15 cosses de manège. Vous rigolez, j'étais beaucoup moins cher. Ok, tu vois. Commerce, jeu marre, rentabilité, profit, voilà. Ouais, mais je... J'étais très jeu de main en plus à cette époque-là. C'était très sympa. Il y a beaucoup de d'étudiantes qui gardent des enfants le dimanche et le mercredi après-midi pour des parents. Et donc, bah, qui viennent au jardin d'acclimatation, tu vois. Mais c'est pas leur gamin, en fait. C'est pas les grandes sœurs ni rien. Donc, très, très jeu de main avec le monsieur du manège derrière. C'est un bon plan rencontre. C'est plus efficace que les sites de rencontre. Pas mal. Pas mal, c'était pas spécial, Tinder, c'était Pinder, quoi. C'était. On fera une spéciale site de rencontre un jour, je pense. Pinder. Ah bah, ouais. Moi, j'ai deux expériences de site de rencontre. Je peux te faire la version 2005 et la version. En quelle année sommes-nous? Bah, je peux te faire la version 2020. En francs et la version en euros. 2005, enfin, monsieur Chris, nous étions déjà en... Oui, je sais en... bien, tout à fait. Oh, écoute, enfin, vous nous faites passer pour un vieux. C'est pas encore aujourd'hui qu'on fait l'émission sur les vieux trucs, non? Je sais pas, il y a un thème à cette émission, parce que ça fait déjà 37 minutes qu'on parle, et je me souviens pas vraiment de ce qu'on avait dit. Pour l'instant, c'est les métiers, là, donc... Ouais, visiblement, ouais, on est sur les métiers. D'ailleurs... Mais moi non plus, je connaissais pas le thème avant de commencer. Il y en a voilà, je me disais bien, si... Une deuxième anecdote métier. Y aura-t-il une interlude humoristique de type jeu organisé par notre ami Valentin? Alors, je sais que je devais faire un quiz, mais j'ai eu la flemme, donc j'ai pas fait de quiz. Mais il y a quelqu'un qui peut en faire un, donc je crois qu'il est prêt. Donc c'est quand tu veux. Ça peut être maintenant, ça peut être plus tard. Est-ce que tu crois que on laisse Yanda raconter l'anecdote qu'il nous a savamment teasé sur sa deuxième expérience professionnelle et qu'on accueille du coup l'invité mystère juste derrière? Ouais, absolument. Il y a pas de souci. Je lui dis tout de suite. Que c'est pas tout de suite, du coup. Est-ce qu'il vient jouer à Sous la couette dans ton cul avec nous ou pas? Je pense pas, je suis pas sûr que ce soit son style. C'est un jeu auquel vous pouvez jouer chez vous en deux minutes, le Sous la couette dans ton cul. En fait, vous prenez n'importe quel proverbe. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. La caravane passe, le chien aboie. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et en fait, à la fin de la première partie, vous rajoutez sous la couette. Et à la fin de la deuxième partie, vous rajoutez dans ton cul. Donc la raison du plus fort sous la couette est toujours la meilleure dans ton cul. Et ça marche à chaque fois. Tant va la cruche à l'eau sous la couette qu'à la fin elle se casse dans ton cul. La caravane passe sous la couette et le chien aboie dans ton cul. Vous pouvez jouer à ça avec à peu près n'importe quel proverbe. Et si vous vous ennuyez dans des repas de famille un peu longs, bon bah entre cousins ça peut un peu détendre l'atmosphère. Quelle astuce. C'est noté, merci pour le bon plan. Bah non, mais c'est ça peut vous sauver une soirée. C'est vrai. Tu m'as fatigué en 30 secondes là. Parce que t'es en train de chercher des anecdotes. Oui. Je cherche des anecdotes qui ne marchent pas avec ce truc-là. Jusqu'à présent, ça... Enfin, des... pas des anecdotes, des proverbes qui ne marchent pas avec ce truc-là. Ça colle plutôt pas mal. Anecdote de Yanda. Anecdote de Yanda. Bon, ok. Bon, elle est un peu longue, alors faut que je mette en place le cadre. Non, en fait, c'était pour, c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où quand tu suscites de l'empathie chez les gens et où tu fais justement ce s'il vous plaît pas moi. Voilà, ça, j'ai eu à faire ça. Mais et sans... il a été victime. Franchement, dans une prise d'otage. Pas loin. Franchement, c'est pas bon, loin. Ça. Ouais, pas loin. Donc, alors. Pour vous placer le contexte, j'étais donc c'était à l'époque où je travaillais dans le meuble. On était dans une ville de France et à ce moment-là, j'étais, je m'entendais hyper bien avec le patron du magasin et du coup, je savais que en gros, il comptait donc se barrer de là où on était et à peu près. Je crois 3 mois avant de partir, on était resté longtemps, c'était un secteur important. Donc normalement, on restait 1 mois ou 2, et là, ça faisait, on est bien resté presque 6 mois. Mais les 3 derniers mois, il a pas payé le loyer. C'était un gros magasin, donc voilà. Et en fait, à cette époque-là, les propriétaires de locaux étaient déjà assez réticents à louer à des magasins de meubles parce que bah voilà, ça commençait à se connaître. Donc nous, on était allés signer le bail du magasin, habillés en costard, grande classe, machin. Non, mais vous inquiétez pas, on va s'installer, on va viser à faire plein de trucs, etc., etc. C'était combien de temps? C'était en 2007. Parce qu'on en a vu des photos de toi un peu minot. 2007-2000. Ouais, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là. Enfin, c'était ta celle-là. Petite tête de racaille en costard, tu devais être mignon. Ouais, franchement, c'était cool. C'était cool. Et, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. C'est ça, exactement. Et du coup, donc 3 mois sans payer le loyer. Le proprio vient un jour. Et donc on était en train voilà de bosser machin etc. Il va discuter avec mon pote le patron et donc il commence à dire oui vous savez quand même ça fait quelques temps que vous m'avez pas payé le loyer et tout. Il dit oui je sais mais là vous inquiétez pas j'ai une livraison de marchandises qui doit arriver. Regardez il ouvre le stock le dépôt effectivement il y avait plein de salons qui étaient arrivés donc il dit voilà le temps de vendre tout ça etc. Découler un petit peu vous inquiétez pas je vous rembourse. Sauf qu'en fait le soir même on déménageait. Waouh. Et donc en fait on fait le déménagement donc le propriétaire se barre. Nous, ensuite, fin de journée, on plie nos gaules, on fout tout dans les camions, on se barre et on déménage à un magasin à 500 km, un truc comme ça. Donc, vraiment loin. Et on laisse, en fait, dans le dépôt, je crois qu'il devait rester peut-être 5 ou 6 ensembles de salons qui étaient des ventes qui n'avaient pas encore été livrées, qui devaient être livrées plus tard. Arrive ce fameux plus tard, c'était une dizaine de jours après, donc on est dans le nouveau magasin et mon boss vient me voir, il me dit bon ben voilà j'ai une galère, le livreur qui devait aller faire la tournée de livraison, aller récupérer les stocks à l'ancien magasin et faire les livraisons, peut pas y aller, est-ce que voilà je te file un billet, je te paye la journée, tu prends le camion, t'y vas. Je dis ok vas-y. Et il me dit tiens amène le jeune avec toi qui venait de rentrer dans la boîte, il avait 1 mois, il dit amène le jeune avec toi, il t'aidera machin etc. Ok très Attends bien. J'ai une question très con, il t'envoie prendre un camion, aller chercher du stock dans l'ancien magasin ouais. Et faire les livraisons. Exactement. Et comment tu dois aller monter dans le camion? C'est très con comme question, mais comment tu prends le stock pour le monter dans le camion tout seul? Ah mais on était deux. On était deux. Ouais, mais même à deux, je suis assez d'accord. C'est Ah non, c'est ils étaient hyper légers. Non, c'est des canapés de merde. C'est de la cagette. Et j'ai dit oui sans sourciller parce que c'était pas en région parisienne, donc je savais que au pire il y avait un étage à monter. Mais j'ai des livreurs qui ont monté des meubles assez costauds dans des 13-15 étages en banlieue parisienne et ils s'en souviennent encore. Mais donc voilà, donc là c'était pas en banlieue parisienne, donc j'ai dit vas-y je le fais. Je prends le camion le matin, je prends la CB Société, on part, on trace, on arrive au nouveau magasin. Et là je rentre, je gare le camion, j'arrive devant la porte, je veux mettre la clé ne rentre pas. Je fais oh, c'est chelou. Je réessaye, la clé rentre pas. Je fais vas-y, c'est bizarre, la clé elle rentre pas. J'essaie de pousser la porte un petit peu et je vois qu'en fait la porte était légèrement dégondée. Donc le petit jeune qui était avec moi me dit bah vas-y, on force la porte et on rentre. Je dis ah, ok, vas-y. Normal. Bah oui. Normal. Il fallait récupérer la cam, tu vois. Donc je sais pas. Peut-être que la clé n'était pas la bonne. Enfin voilà. La clé. Force... Bah c'est bon. Force puis rentre. Ouais, bah oui. Bah oui. Ce qu'on fait tous. C'est la débrouille. Et donc du coup, on force la porte, on rentre. Donc on passe par le magasin, on accède au dépôt. Les salons étaient toujours bien là, donc très bien. On commence à les ramener devant la porte du dépôt. De là, on ouvre la porte du dépôt qui ne s'ouvrait que de l'intérieur, qui était donc deux grandes portes battantes, et le camion était derrière à cul. Et en fait, on ouvre la porte, et sur qui on tombe ? Le proprio ! Qui nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» on vient récupérer les salons et tout, mais qui dit « Ah non, là vous partez pas, c'est pas possible, il y a eu un constat d'huissier qui a été fait. D'ailleurs, normalement c'est bizarre que vous ayez pu rentrer parce que j'ai fait changer les serrures, donc normalement vous auriez pas pu rentrer. Là en gros, il y a eu un constat d'huissier parce que ça fait 3 mois que vous avez pas payé le loyer, il y a une saisie sur la marchandise qui est là dans le stock, donc elle part pas, c'est mort. » Et je dis, il faut que j'aille livrer la marchandise, c'est pas possible, quoi. Et le mec, il me dit, non, et puis d'ailleurs, je vais appeler les flics, parce que là, vous avez pas le droit d'être là, et donc, voilà. Et là, je fais, merde. J'appelle mon boss, qui était donc au nouveau magasin, je lui dis, allô, on a un problème, en fait, le proprio est là. Il me dit, ouais, et alors ? Je dis, il me dit que tu prends pas les salons, parce que ça fait 3 mois que t'as pas payé le loyer, qu'il y a eu un constat d'huissier, machin, etc. Et là, mon boss me répond, il me dit, je m'en bats les couilles, tu prends les salons, tu vas livrer les gens, et c'est pas mon problème, tu te démerdes. S'il faut que tu lui casses la gueule, tu lui casses la gueule, mais je m'en fous, t'as les livraisons à faire, tu m'as dit que tu ferais les livraisons, tu fais les livraisons. Et ah, ça a l'air d'être un gars bien. Et voilà, et là il raccroche. Et là je me dis, ah, merde, qu'est-ce que je fais ? Et là, je sais pas. Et franchement, je ne sais même pas comment m'est venue cette illumination de génie, tu vois. Mais elle m'a sauvé la vie et elle me permet d'être là encore aujourd'hui. Et donc, du coup, je me tourne et en fait, je shoote dans une housse et je fais « Et voilà, putain, je le savais ! Fais chier, maintenant je vais perdre mon boulot, mais putain, mais j'avais pas demandé ça, mais merde !» Et je pète un câble, mais littéralement, je pète un câble. Acteur studio. Ouais, vraiment, Hollywood, les Césars, tout ce que tu veux. Enfin, vraiment, c'est tellement trop bien. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, tu vois, c'est là, si t'as vraiment une perf d'acteur à faire, c'est maintenant, tu vois. Et donc là, je pète les plombs, je fais « Voilà, mais merde, mais moi j'avais pas demandé à faire ça, putain, et tout !» Le jeune vient me voir et en plus le jeune il m'a dit après coup, il me dit je pensais vraiment que t'étais en train de péter les plombs. Il me dit ça va et tout, je dis non ça va pas parce que là mon boss m'a dit si tu livres pas les salons c'est pas la peine de rentrer, t'es viré. Donc moi voilà, moi je suis là pour faire mon métier, je suis pas au courant qu'il y a eu des problèmes d'impayé de loyer etc. J'arrive là, je me retrouve dans des histoires, j'ai pas demandé ça. Moi je fais juste mon boulot pour payer mes factures à la fin du mois, merde. Moi on m'a demandé d'héberger des gens, j'héberge des gens, je fais juste ce qu'on m'a demandé. Ouais c'était un peu ça. Et donc... Et donc le boss, le propriétaire vient me voir, il me dit non mais faut pas réagir comme ça, voilà calmez-vous. Je dis calmez-vous, là vous me dites en plus vous allez appeler les flics, je vais me retrouver dans des histoires de fous, qu'est-ce que je vais dire à ma femme quand je vais l'appeler, etc. etc. Qui est enceinte ? Ma femme enceinte ? Ouais, non j'étais pas allé jusqu'à pousser le vis là. Mais... le mec en fait trop tu sais. Ouais c'est ça. Et donc du coup le mec attend machin etc, il part, il me dit non mais attendez faut que j'aille appeler un coup de fil, il s'éloigne un peu. Là, je me dis, ça mord. Ça mord, il y a peut-être moyen que ça passe, tu vois. Donc là, je continue à faire genre le mec, non, mais là, fais chier, tout machin. Tu l'as dit à ton collègue à ce moment-là que tu simulais Non, parce que, okay. Comme je sais, en fait, quand il est venu me voir, je savais pas s'il rentrait dans mon jeu ou s'il me posait réellement la question. Ouais. Donc du coup, je fais non, et tout machin, j'attends. Et au bout de 10 minutes, il revient me voir, le proprio, et il me dit, votre patron, c'est quand même un sacré enculé. Hein. Vous envoyez faire le boulot ingrat comme ça à sa place. Je dis non, mais je suis d'accord avec vous. Je dis mais après, comprenez-moi, monsieur. Voilà, moi, je suis juste salarié, quoi. Je suis pas au courant de toutes ces histoires-là. Je pouvais pas. Sinon, évidemment que je ne serais pas venu. Enfin voilà, je veux dire. Et le mec me dit vous me déblayez les 2-3 déchets là que vous m'avez laissés et le truc. Et puis vous prenez les 3 salons là et c'est bon. Les autres, par contre, ils restent. Je dis bon, d'accord, ok, merci monsieur, j'ai chargé les 3 salons, la merde qu'il nous avait dit de prendre, et on s'est barré. Et du coup, j'ai rappelé après mon boss, je lui ai dit écoute, j'en ai eu 3 sur les 5, il m'a dit c'est bon, ça ira, c'est cool. Et donc, je me suis sorti de ce traquenard comme ça, en jouant sur l'empathie de la relation bon patron, bon salarié, mauvais patron, avec un propriétaire qui, pour le coup, lui devait être quand même bien gavaresse. Et du coup, devait être un peu au fait. Et il n'avait déjà pas très bien... il voyait pas très, d'un très bon œil mon ancien patron parce que bah voilà, il avait 3 mois d'impayé dans la gueule, mais donc voilà, j'ai joué sur ça et je m'en suis sorti comme ça. Bien joué. Bien joué. C'est marrant que tu racontes ça parce que justement le propriétaire du local est là ce soir. Bonsoir. Et ben, et d'ailleurs, oui, excellente transition, car ce bonsoir me rappelle quelqu'un, et c'est ce quelqu'un qui va vous faire un quiz ce soir. Alors, je vais juste nous connecter, et puis on va faire un petit jeu ensemble. Alors, où est-il ? Il est là. Et bonsoir, Patrus. Bonsoir, c'est Patrus Balkanus. Comment allez-vous ? Excellent! Comment allez-vous vous-même? Eh ben, formidable, je suis dans ma mairie de Levallois-Perlouse, tout va bien. J'espère que la connexion est bonne, hein, d'ailleurs, normalement j'ai la fibre, hein, je peux me la payer. donc, on m'a appelé, hein, suite à un petit imprévu judiciaire, je me dois de faire quelques travaux d'intérêt génial, je sais pas si vous connaissez. les travaux d'intérêt génial, c'est tout simplement des activités destinées à être génial. Donc on est plutôt dans la catégorie amusement, comme les fêtes d'anniversaire, les soirées au casino ou les interviews de Nadine Morano. C'est formidable, je pensais pas qu'on puisse avoir une liaison de qualité comme ça avec le Lampe-Torche Verse, quoi. On est quand même en train de discuter avec un univers parallèle. Et oui, absolument, l'univers du Lampe-Torche Verse. D'ailleurs, j'espère qu'un jour on pourra retourner au cinéma après le confinement. Donc Valentin m'a contacté, hein, pour que j'anime un petit quiz ce soir. J'ai apprécié sa proposition audacieuse de demander à quelqu'un d'autre de travailler à sa place. Je me suis un peu retrouvé dans sa philosophie, je dois bien dire. Alors, est-ce que tu l'as fait écrire par quelqu'un d'autre, Patrus? c'est possible, mais je ne vais pas dévoiler tous mes secrets. Grand alors voilà comment ça va se passer. Ce soir, vous êtes 3 candidats opposés. Christophe, Mathieu et Hyundai. C'est quelle origine, ça, Hyundai? Est-ce que vous venez du même pays que mon assistant grain de riz assaisonné au citron? Lui-même, exactement. Ah, c'est la même chose. Formidable. Eh bien, Hyundai, je suis ravi de vous compter parmi nous ce soir. Je vais donc vous poser 7 questions qui ont toutes un rapport avec ce que je préfère dans la vie. Vous ne viderez jamais ce que c'est. l'évasion fiscale? Est-ce que c'est l'argent? Ah, l'argent. Donc je vais vous poser 7 questions. Le premier qui me donne une bonne réponse marque un point. En fait, on est fasciné par ce personnage. Plus personne, on est tous les 3 au spectacle. Plus personne n'ose réagir, c'est incroyable. Eh bien écoutez, c'est moi au naturel, hein, je suis content de vous plaire. Donc nous comptabiliserons les points à la fin de cette série de questions. Alors est-ce que vous êtes prêts? Oui, est-ce que Isabus est toujours assise sur sa BM devant le commissariat, Patrus? Je n'ai pas compris votre question, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bonjour, j'ai vu votre enfin, dans notre univers, une certaine Isabelle a attendu son mari Patrick devant la prison en direct pendant quelques heures devant les caméras de BFM. Je veux savoir si chez vous, ça s'était passé de la même façon, en fait. Un peu ou prou de la même manière, absolument. Ouais, mais d'ailleurs, faites bien d'en parler, parce que moi, je vais aller me garer, cette connasse, elle avait pris ma place sur le parking. J'ai dit, putain, j'avais pile en plus, qu'est-ce que vous faites? Faites un quiz, et vous m'invitez même pas. J'ai dit, putain, j'en ai rien de cul, bah moi, je retourne au cinéma, parce que dans le verre de cinéma, ils sont pas fermés. Donc, c'était vous, très bien. Écoutez, formidable. Alors, nous jouons pour le premier point que le plus rapide d'entre vous va gagner en me citant un des 3 plus grands paradis fiscaux. C'est à vous. Andorre. Les îles Caïmans. Luxembourg. Alors, Chypre. C'est Monsieur Hyundai, je crois, qui a dit le Luxembourg. Non, c'est Monsieur Machine Talk. Eh bien, écoutez, c'est gagné puisque le Luxembourg est le deuxième paradis fiscal après la Suisse, mais avant Hong Kong, voilà. Formidable. Donc Andorre n'est pas du tout un paradis fiscal. Attendez, Chypre non plus. Pardon? J'ai dit Chypre, monsieur Patrick. Chypre, je sais pas si... non, ouais. Chypre n'est absolument non, pas, il est peut-être un paradis fiscal, mais pas un des trois premiers. Ah oui, avec que les trois premiers, pardon. Effectivement. Je n'écoute pas bien les questions, excusez-moi. Eh ben, il faudra être attentif, mon cher Christophe, pour les prochaines. Attendez, j'ouvre mon petit bloc-notes pour marquer un point pour monsieur Hyundai. Hop. J'aurais dû demander à Grainerie assaisonnée au citron de le faire, mais bon, c'est pas... Voilà. Alors par contre, je sais que vous êtes assez branché, propriété et tout ça, mon cher Patoche, donc vous n'allez pas filer à Hyundai le point qui revient au grand Matinou, c'est ça hein, c'est mon Luxembourg, hein, j'y tiens. Ah pardon, excusez-moi. Pardon. Eh ben écoutez, bon, ça s'est vu, hein, Hyundai, le soudoiement, ce sera... Bon, ça ne marchera pas pour aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un demi-point pour la tentative de détournement, peut-être? Je veux dire, c'est quand même... J'avoue que c'était plutôt audacieux de votre part. Continuons. Celui d'entre vous qui se rapproche le plus du cours de l'or aujourd'hui pour un lingot d'un kilo en euros. Qu'est-ce que c'est que cette question? Alors, le cours de l'or... Combien vaut un kilo d'or aujourd'hui? Exactement. En francs. Je n'ai la réponse qu'en euros et je vous interdis évidemment de chercher. comme c'est une valeur refuge en ce moment et que c'est un peu le dawa, je dirais que 1 kilo d'or ça vaut 7800 euros. Comme au juste prix, c'est plus. Moi j'aurais dit 6542. 1 kilo d'or, c'est ça ? 1 kilo d'or, un lingot d'un kilo d'or. Okay. C'est beaucoup, un kilo. En euros. Ouais, je me rends pas compte. Je vais dire 11 500. 11 500. Ouais, comme ça, c'est moi qui ai la plus grosse. Effectivement, et c'est vous qui vous rapprochez le plus, car un lingot d'or d'un kilo vaut 53 370 euros. Voilà. Et ça se voit que c'est un podcast de pauvres, hein, parce que personne n'était proche de la somme. Hein. J'ai aucune idée de ce que ça peut faire, un kilo d'or. Quoi. Enfin, alors que moi, la somme, je la connais par cœur au fur et à mesure des secondes qui passent. J'en ai pas mal chez moi, des lingots. Oh, l'or. Grainerie assaisonnée au citron, oui, tu peux m'apporter mon bol de céréales, s'il te plaît. Oui, prends celle au blé, hein. J'adore le blé. Bon, reprenons. Alors, celui d'entre vous qui se rapproche le plus de l'équivalent euro-dollar. Allez-y. Combien ça fait, un euro en dollar? Combien 1 dollar fait en euros? Mais enfin, ça marche dans les deux sens, hein, du coup. Oui, absolument. j'ai besoin d'une réponse en euros et pas en dollars. Ah bah donc, j'irais 0,85. Parce qu'on a effectivement, on a plus de dollars. Pour le même prix, tu vois, ça vaut moins cher. Mais je pense que je pense 0, allez, 0,92. 0,92 et monsieur Hyundai. On est d'accord là, on vous donne, cher Patrus, la correspondance en euros pour 1 dollar. Oui, combien t'aurais d'euros pour 1 dollar? Je vous donne 1 dollar et combien vous me donnez en euros? C'est ce montant-là que je vous donne. Attendez, il faut moi-même que je fasse un calcul dans ma tête. Ah bah non. Car j'ai l'impression que la question peut se comprendre dans deux sens différents. Et 600 bitcoins. Et on pourra dire à Grainerie la prochaine fois que les questions chiffrées, en fait, on peut pas faire de propositions et de blagues. On peut que dire des chiffres et donc c'est moins drôle. Faudrait dire qu'il fasse des quiz un peu plus rigolos, notre petite Grainerie. Mais sauf quand l'énoncé est lui-même une vaste couillonnade. En fait, Patrus, on va vous orienter, étant donné que l'euro aujourd'hui vaut plus cher que le dollar. Exactement, c'est un petit problème de symbole qui s'est glissé ici dans mon questionnaire, ça me paraissait bizarre également. J'ai besoin donc d'une réponse en dollars et pas en euros. Ah, ok. Voilà. Et bien donc, pour un euro, j'aurais 1,15 $. Très bien. Je dirais 1,25 $. Et monsieur Hyundai? Eh bien, moi, je dirais 1,20 $. 1,20 $. Très serré. Eh bien, écoutez, c'est très serré. Et par contre, il y a une personne ici qui roule sur les autres, car Matt est le plus proche avec 1 $. C'est 1,10 $. Voilà, il a dit 1,15 $. Donc, bravo à lui. Monsieur jeu de merde. point sur l'information. De toute façon, moi, j'aime pas trop les quiz, donc... Vous avez moyen de vous rattraper de toute manière, car il y aura des questions à plusieurs points. Parce que là, on est dans des conversions, on a eu de l'or, on a eu du dollar et tout. Je pense qu'on va finir avec combien de comics de décès publiés en 2019 on peut avoir pour 2 rubis et demi ou un truc comme ça. Ça va, c'est parti là. Là, on va avoir de la triple conversion. C'est un loisir de pauvre dont vous me parlez là, monsieur Mathieu. Ça ne m'intéresse pas du tout. Les comics, non. Mon petit coco, si tu voyais le prix du single, non, ça commence à être un loisir de riche, au contraire. Je t'invite à acheter les nouveaux kiosques de nos amis de Panini. Tu vas découvrir que c'est plus du tout un loisir de pauvre. Je vais m'y intéresser tout de suite, alors. Isabelle, prends note. Les comics, paraît que ça vaut de l'or. Alors, continuons. Nous allons passer à la même question. Celui d'entre vous qui se rapproche le plus de l'équivalent euro-yen, la monnaie de mon insistant grain de riz assaisonné au citron. N'importe quoi. gagne un point et je vais revérifier ma question tout de suite pour pas faire une connerie comme tout à l'heure. Alors, je vous écoute. Moi, j'aimerais bien, comme j'en ai absolument... Combien j'ai de yen ? Comme j'en ai absolument aucune idée, j'aimerais bien que mes comparses répondent en premier et comme ça je choisirais une réponse entre eux les leurs. Pour un dollar, pour un euro, pour combien j'ai euro, de yens Combien avez-vous de yens la monnaie, hein, pas l'animal, la hein. On est d'accord. Hein. Absolument. Parce que moi j'aime bien les yens. Pas... je dirais. J'en sais rien. N'importe qui peut répondre en premier, hein, ça m'est égal. Je dirais 1200. 1200 ? Ouais. 1200, c'est noté. Absolument. Monsieur Hyundai, du coup, puisque Mathieu n'a pas l'air pressé de répondre. Eh bien, moi, je dirais 1201. C'est très serré. C'est très, très serré. Mathieu. Ok, Google. Combien je peux avoir de... Oh, pardon. Excusez-moi. C'était à moi. Je dirais 2400. 2400, ça se voit que vous avez vérifié en direct sur Google, car pour 1 euro, vous pouvez avoir 117 yens 35. Donc, c'est monsieur Christophe qui est le plus près. Bravo, bravo à lui. Le plus près, mais quand même très loin. Tu noteras. Mais quand même très, très, très loin. J'ai aucune idée du cours du yen, en fait. Je m'étais jamais demandé, tu vois, avant cette question. Tu t'intéresses à rien, toi. Mais non, mais c'est ça, je suis dans mon petit précaré. Je m'étais jamais demandé si c'était une monnaie forte ou une monnaie faible, en fait. C'est la première fois que je suis confronté à cette question, en fait. Sachez d'ailleurs que son cours est en chute libre depuis le 11 avril. Hein, la courbe a une descente assez nette. On se demande pourquoi. Question pour laquelle bah oui, moi, je me demande pourquoi, pas tiens. La réponse, mais je vous la pose quand même. Pour 3 points, celle-ci. Ah. Et du coup, t'es en train de me dire, attends, comme le yen est en train de se casser la gueule, t'es en train de me dire qu'on aurait dû acheter Animal Crossing là, maintenant, il est moins cher qu'au début du mois ? Parce que c'est produit là-bas ? C'est ça ? Comment ça marche ? Allô ? Allô ? Je suis pas... La liaison est mauvaise. En fait, ça marche quand... Ça sera l'occasion d'en reparler, ça ne marche qu'en théorie, parce que par exemple, une console qui sort à 499$ aux États-Unis, elle est quand même vendue 499€ en France, alors que pour le coup, si tu fais la conversion, on devrait la payer beaucoup moins cher. Voilà. Tout à fait. Je peux continuer ? Oui ? Pardon, Patrus, continuez. Très lui, bien, c'est pareil, ça. Lui, il paye qu'en mallette, donc il se rend pas compte du cours de la monnaie, quoi. Je ne comprends pas de quoi vous parlez, monsieur Mathieu. Pour 3 points, donc, quel est le nom de la monnaie du Guatemala ? Et je vais vous laisser chercher le temps de récupérer ces billets qui viennent de tomber de la poche de ma robe de chambre et je reviens vers vous. La monnaie du Guatemala ? Déjà, je savais même pas qu'il y avait de la monnaie au Guatemala. Moi, je pensais que les mecs faisaient du troc. Petit cliché raciste, attention, on a une heure d'émission, personne n'écoute, c'est bon. Raciste, pardon, on parle de moi ? Excusez-moi, j'étais... Comment s'appelle ? Bah, on peut pas le savoir. Et Patrus, est-ce que c'est une monnaie que genre on connaît ? C'est un truc qui est utilisé ailleurs et genre on connaît le nom et on va être surpris que ce soit utilisé là-bas ? Ou est-ce que c'est un truc improbable et c'est une colle et on va être perdu ? Alors, si vous voulez que je vous réponde, Valentin aurait trouvé la réponse. Mais c'est sans doute le seul ici ce soir qui aurait pu la trouver. Donc, c'est le nom d'un oiseau, ça vous aide, je pense. Ah. Non, pas du... ça vous aidera pas du tout. C'est en roupie. En roupie. Je t'étais déjà en train de faire le tour de tous les oiseaux que je connais. J'attends le rouge-gorge. C'est en pélican, moi, je pense qu'il paye en pélican. Eh bien, écoutez, on va passer. Je me doutais que cette question était un peu plus corsée. C'est le Quetzal. Q-U-E-T-Z-A-L. Ah, excellent. Ah, non, c'est pas... Oui. Effectivement. Oui. Excellent. L'oiseau préhistorique, en fait, donc. Vous saviez. Il ne me semble pas. Je crois que c'est un vrai oiseau qui existe toujours. Vous googlerez. Si Valentin était là, il aurait pu fact-checker, quoi. Ouais, ça tombe bien parce que dans le prochain numéro, on invitera un ornithologue qui nous parlera. Non, pas du tout. Un ornithorynx. Tu t'es trompé, t'as mal lu la fin du truc. Ah merde. Avant-dernière question, mes petits amis, tout aussi compliqué, pour 3 points également, quelle est l'origine du mot salaire? Le salaire. Oh, moi j'ai Est-ce que je peux avancer? J'avance une théorie. À mon avis, c'est faux. Je dirais que. Dans les productions de sel, les mecs étaient payés à la journée et qui venaient chercher leur salaire. Pas du tout. Toi aussi, fais un petit peu d'étymologie avec les staminers. Voilà, c'est mon explication. Mon avis, c'est faux. Voilà, mais... je vais noter cette réponse et on y reviendra après si c'est ça ou pas. Chers autres amis. Eh ben, je pense que c'est parce que quand tu avais travaillé à la mine, t'avais plutôt l'air sale. Et que du coup, ça se voyait que t'avais bossé et tu pouvais venir chercher ton salaire, tu vois. Ton salaire. C'est pas idiot, ça. Pas idiot, ouais. Il y a de la réflexion ici ce soir. Ouais, il y a du jeu de mots. Putain, je suis dégoûté. C'est quoi cet animal? Effectivement, le Quetzal, c'est un petit oiseau et je confonds avec un autre oiseau gigantesque préhistorique qui doit exister. Je l'ai vu dans un jeu vidéo. Et je remets pas la main dessus. Si je l'ai vu sur Twitter, c'est que ça existe. Le ptérodactyle. Le dumétrodon. Oui, comment j'ai pu... je sais pas. Monsieur Hyundai, avez-vous une idée d'où vient le mot salaire? Ma théorie se rapprocherait un peu de celle de Matt, parce qu'il y a une notion effectivement de souffrance liée au travail et tout, donc... Non, mais attendez, non. Écoutez, monsieur Hyundai, je ne peux pas vous laisser dire que le travail est une souffrance, enfin. Ça va, hein? Moi, par non exemple... Non plus, je ne peux pas vous laisser dire parce que je n'ai jamais travaillé de ma vie. Eh bien, écoutez, on part sur la même idée. Ouais. Alors, la réponse n'était pas parfaite, mais il y avait quand même l'essentiel. Alors, on applaudit très fort Monsieur Christophe, qui marque 3 points, car le salaire vient du sel qui sert à payer les légionnaires romains. Voilà, bravo, on peut l'applaudir ou pas, c'est juste le temps que je note les points. Je vais m'auto-applaudir parce que je trouve que sur ce coup-là, j'ai quand même inventé une sacrée histoire. Alors, il y a un petit suspense, car, Monsieur ça dépend Hyundai, pour qui, hein, voilà. Voilà, exactement, ne gagnera pas ce soir, clairement. Mais attends, alors, est-ce qu'on pourrait pas faire, justement, la dernière question On remet tout à zéro, monde, genre la vie est injuste, façon Ardisson. La super question. La question de la fraude. Monsieur question joueur, sur les canapés. Monsieur joueur, moi ça me va très bien. On peut le faire comme ça et on va le faire comme ça d'ailleurs. Merci Patrus. Pour vous terminer, êtes une belle dernière personne. Question. Ah, je sais. J'ai de belles dents aussi. Pour terminer, dernière question. Celui d'entre vous qui se rapproche le plus du coût de l'optimisation fiscale en France gagne 1 point. Bah non, enfin, il gagne le jeu, en fait, du coup. Il gagne son alors... poids en optimisation fiscale. Donc, celui d'entre vous qui se rapproche le plus du coût de l'optimisation fiscale en France. Mais du coup, pour qui? Du coup, pour moi? Combien ça me coûte de faire optimiser mon revenu ou de la perte pour l'État? Pour la France, exactement, du coût de la perte pour l'État. Je dirais 8. Voilà, 8. 8 euros. Très bien. 8, voilà. 8. On d'accord, oui. Moi, je dirais 1 700 000 euros. Oui. Ah, moi, je dirais plus. Je le note. Moi, je dirais plus. Je dirais du 10 milliards, un truc comme ça. Et nous avons du 10 milliards de ce côté-là. Monsieur Hyundai joue gros. Tapis. Moi, je vais tapis. Dernière manche, c'est tout ou rien. Alors... Il joue pas avec son argent, Hyundai, ça se voit. C'est plus que 8, déjà, je peux vous le dire. C'est aussi plus que 1 700 000, mais la question était qui est le plus... Enfin, celui qui gagne, c'est celui qui est le plus près. Et il se trouve que l'optimisation fiscale en France est de 4,6 milliards d'euros. Donc même avec 10 milliards, ce qui est beaucoup plus, vous n'êtes pas le plus proche, monsieur Hyundai. Je suis désolé, mais je vous rappelle que l'optimisation fiscale est quelque chose de tout à fait légal. C'est d'ailleurs une de mes activités favorites. Voilà, c'était mon petit quiz. Bravo à vous et félicitations à Christophe qui a gagné ce questionnaire. Sa propre optimisation fiscale. D'ailleurs, c'est super. Vous retrouverez en description des liens affiliés pour pour passer dans des cabinets d'optimisation fiscale qui sont les nôtres en fait, nos cabinets d'optimisation fiscale préférés. Oui, moi j'en ai un gros de cabinet d'optimisation fiscale. Ce que je propose, c'est d'y aller au cabinet, mon petit Patrus. Hein. C'est le moment pour vous. Oui, absolument. J'ai une envie pressante là. Je vais d'ailleurs en gonflant un peu là. On peut dire que je viens de faire une heure de travail d'intérêt génial. Hein. Il me reste plus que quelques centaines d'heures à faire. Du coup, c'était Patrus Balkanus en direct de la mairie de Levallois-Perlouse. À bientôt. Au revoir Patrus. Reviens vite pas nous voir. C'est dommage que Valentin ait loupé ça. C'est dommage. Ouais, hein, je checkais la connexion, j'ai pu faire 2-3 trucs en même temps. Ah bah tu viens de rater Patrus. Ouais, c'était sympa, il va bien. Bon bah cool, il est dans qui a gagné du coup. C'est Carlos Ghosn comme d'habitude. Il était caché sous un siège. Il était là aussi, merde. Ok, d'accord. Il était caché dans une valise. Il était dans une malle. Ouais. Et en parlant d'évasion fiscale, je me suis fait une petite réflexion viteuf et je vous la livre tout de go. Hein. C'est une fois de plus les trucs qui passent trop vite dans ma tête et qui sont débiles. On a eu toute une vague un peu opportuniste de soutien aux infirmiers, au personnel soignant et tout machin. Tous les artistes ont fait des snaps qu'ils ont balancés dans les médias pour regardez, je fais une chanson dans mon salon, il faut soutenir les soignants, c'est super et tout machin. Et on a vu un truc formidable avec un groupement d'artistes, je crois que c'est Marc Lavoine Obispo et Florent Pagny qui chantaient pour soutenir l'hôpital, et c'était tout à fait extraordinaire. Alors juste cette petite réflexion, les mecs comme par exemple Florent Pagny qui explique qu'ils vont aller au Portugal parce que t'es pas du tout imposé sur tes droits d'auteur et que lui ça l'intéresse pendant 10 ans de pas être imposable sur tes droits d'auteur, quand tu ne payes pas tes impôts en France, c'est pas juste des gens qui disent oh non c'est trop cher je me casse, c'est des gens qui s'en vont et qui du coup ne payent pas les abribus, des choses hyper concrètes, les abribus, l'éclairage de ta ville et simplement l'hôpital public ou ce genre de choses. Et donc dire bon bah écoutez, je me casse, je vais à l'autre bout du monde pour pas payer mes impôts en France, en revanche je vais faire une petite chanson pour soutenir les soignants et puis elle sera diffusée en radio, elle va donc générer du droit d'auteur, donc de l'argent, et moi je vais aller me barrer au Portugal avec ce truc là justement pour pas payer d'impôts là-dessus. Alors peut-être on peut imaginer que ce monsieur Pagny refuse de soit en conflit avec l'État et que du coup après il reverse dans sa vie privée de l'argent à des organismes bienveillants, à des ONG, à de la fonction hospitalière ou tout, ou alors le mec qui vient larmoyer, qui vient toucher le droit d'auteur sur ces trucs-là dans cette période-là pour après se barrer au Portugal et compter sa thune autour de la piscine, je pense que c'est le comble du cynisme. Et c'est y a beaucoup de choses qui se jouent avec l'artistique lié au bon sentiment, mais c'est un peu ça en fait, le fait de se mettre en avant et de récolter de la thune et de faire des trucs. Enfin, faut pas oublier que tous ces trucs-là rapportent aussi de l'argent aux gens qui le font, et que avoir des artistes qui se mobilisent, qui font des répètes, qui font des concerts géants tous ensemble pour les pauvres, ça leur demande du temps, et si c'est du temps qu'ils sont capables de donner, c'est parce que c'est du temps qui est rentabilisé aussi. Donc évidemment c'est intéressant d'avoir 30 artistes qui font qu'il y a 30 000 Français qui vont donner un peu d'argent pour les pauvres, mais ces gens-là gagnent de l'argent quand ils le font, et c'est le comble ultime du cynisme. Voilà. Et sans compter que pendant ce temps-là, il y a plein de petits artistes, de petits groupes, d'intermittents et de choses comme ça, qui se retrouvent sans boulot parce que les salles de spectacle sont fermées, parce que les tournées sont annulées, et que eux, c'est des gens qui sont vraiment dans la merde, pour le coup. Donc, effectivement, Je plus sois vos propos, monsieur Matt. Ah, c'est gentil. Et en plus, tout ce truc de milieu artistique, c'est ce qui est fascinant, c'est quand les mecs cotisent, hein, comme tout le monde, c'est-à-dire que sur leur, prenons des artistes normaux qui payent leurs impôts, qui font leurs déclarations et tout. Les mecs cotisent, ils vont, comme toi, payer leur retraite, comme toi, payer leur sécu, comme toi, tout ce genre de choses. Prenons un artiste de BD, par exemple, ou un musicien, qui doit faire des tournées, qui joue avec son groupe et tout, qui va dans les salles. Le mec a la grippe. Donc il peut pas bosser. Du coup, qui c'est qui vient le remplacer en fait? Qui c'est qui vient faire son taf face à non, c'est personne, ok. Et du coup, l'artiste de BD, il a pas un vrai salaire mensuel. Par exemple, il a eu une avance pour faire ses pages, donc il a eu, on va dire, 12 000 balles pour faire ses pages, et c'est censé lui permettre de vivre pendant 10 mois. Et du coup, il est malade pendant 3 semaines, il prend 3 semaines de retard. Il a pas un bout de rallonge en plus. C'est juste qu'il a la somme de 10 mois et il doit vivre 11 mois avec. Enfin, c'est tous ces petits trucs-là d'injustice qui font que déjà le monde est pas rose pour les artistes. Et là, du coup, avec notre déconfinement partiel, avec la fin la mise en pause de toutes ces réunions publiques, de toutes ces concerts, ces spectacles, ces tout genre de choses, ça va être vraiment très très compliqué pour la culture. Et la culture, c'est pas que, c'est aussi le divertissement tuk-tuk, pouet-pouet, machin, mais c'est aussi des choses qui font que ton quotidien est un peu moins gris, et c'est aussi des choses qui peuvent t'amener à réfléchir sur ton quotidien et te faire rigoler un peu et ce genre de choses. Et enfin, c'est juste essentiel parce que tu meurs si tu t'emmerdes. Et voilà. Et du coup, bon, bah, c'est nos troubadours, hein. Je vais faire un message un peu. Cela dit, tu meurs aussi si tu t'amuses, hein. Il y a pas de. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu dépéris. Je veux dire, même si t'as bien rigolé toute ta vie, tu meurs. Hein, c'est... À plus ou moins long terme. En fait. On peut pas dire un truc sérieux, c'est incroyable. Bref, j'étais beaucoup trop long. Je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Mais bisous. C'était bien, j'ai eu 30 000 occasions de faire des vannes, mais c'était tellement bien et sérieux et intéressant que je vais m'abstenir. Et je vais d'ailleurs aller pisser. Non, fais des vannes. J'étais trop long. Il fallait. Je m'en sortais pas tout seul. Quelque chose à ajouter, mon petit Chris? Non, mais on est d'accord. Et moi, je vois effectivement tous les artistes de BD qui ont plus ou moins ce même discours, et les libraires, et un peu toute la filière du livre, si on peut dire, puisque tout le monde, enfin, on sait que c'est précaire dans le sens où c'est fragile, et c'est vrai que c'est un truc qu'on voit à tous les niveaux de cette chaîne-là. Et puis, moi, je te dis, enfin, j'ai pour les gens que je connais qui sont musiciens, etc., et donc forcément qui ne sont pas Florent Pagny, et c'est pas péjoratif, ou bien au contraire, eux, voilà, il y a beaucoup de groupes, même à l'international, qui avaient des tournées prévues, les festivals sont annulés, les tournées sont annulées, et l'argent que ces groupes-là ne gagnent pas, même s'il y a des assurances et des choses comme ça, peut-être pour les plus gros groupes et les plus gros festivals, il y a aussi plein de petits groupes pour qui ça va représenter une vraie perte d'argent. Et quand c'est des petits groupes qui essayent au moins d'en vivoter, ne serait-ce qu'une partie de l'année, ça représente vraiment du pognon perdu. Et c'est autant de labels, autant de petites structures et de petites associations qui sont mises en danger. Donc, comment dire, dès que l'occasion se présentera, n'hésitez pas à soutenir tous ces groupes-là, pas forcément en sortant de chez vous si vous êtes partisan du « je reste au maximum », même lorsque ça sera ouvert, j'évite les contacts. Mais en achetant un t-shirt sur leur boutique en ligne, en achetant leur CD, voilà quoi. Enfin, je pense que c'est le minimum à faire pour essayer de soutenir tous les petits groupes qui essayent de s'en sortir et qui galèrent, quoi. Moi, j'ai trois ordinateurs qui tournent toute la nuit avec des playlists Deezer pour générer du cash et tout. Non, alors ça sert à rien. Si tu veux vraiment soutenir, parce que moi aussi, hein, j'ai Spotify, etc. Mais si, quand j'écoute des groupes et que je veux vraiment les soutenir, acheter le CD, acheter un t-shirt. Maintenant, il y en a plein sur leur boutique en ligne, que ça soit sur via les Bandcamp ou des boutiques vraiment créées pour l'occasion. Quand ils sortent un album, t'as un pack avec genre le t-shirt, l'album, voire le vinyle. Enfin voilà quoi. Et souvent, ça te coûte 20 balles, 30 balles, et c'est le meilleur moyen de les soutenir. Si tu peux pas aller les voir en concert, si tu peux pas forcément, s'ils passent qu'à 500 bornes de chez toi et que tu peux pas faire 500 bornes pour aller les voir, tu commandes le t-shirt et le CD, et c'est déjà un petit geste pour soutenir des groupes souvent très très talentueux et qui n'auront malheureusement jamais la moindre reconnaissance dans les médias mainstream, parce que justement ils ne sont pas ces enculés d'artistes, n'est-ce pas, qui se sauvent avec nos impôts. Et l'intérêt d'acheter deux explications très cons. L'intérêt d'acheter un disque ou un t-shirt ou enfin, directement au groupe sur le site du groupe, c'est que si tu vas t'achètes ton disque 15 balles comme tu l'aurais acheté n'importe où, mais c'est 15 balles qui va dans la poche du groupe. Si tu l'achètes dans n'importe quel magasin, tu vas d'abord, c'est la règle des trois tiers. Il y a un tiers pour le vendeur, un tiers pour le distributeur et un tiers pour le producteur. Donc sur les 15 balles, le groupe va finalement toucher 5 balles en gros, puisque le magasin va prendre un tiers, le distributeur qui a pris le CD chez l'artiste et qui l'a emmené dans le magasin va prendre un tiers, donc 5 balles. Donc finalement, si tu achètes le CD d'un groupe en gros dans un magasin, il touche 5 balles. Si tu achètes le même CD directement sur le site du groupe, le groupe va toucher 15 balles. Donc 3 fois plus. Donc il pourrait quand même nous offrir les frais de port, ces salopards d'artistes, quoi. Sans déconner. Non mais c'est la même chose, c'est la même chose pour les bouquins sur les sites des éditeurs et ce genre de choses, quoi. J'allais dire, c'est la même chose, un truc que tout le monde peut facilement comprendre, c'est la même chose par exemple pour les producteurs de fruits et légumes. Quand vous allez acheter vos fruits et légumes directement chez le mec qui les fait pousser, bah il est plus gagnant que quand vous allez les acheter dans un supermarché ou même chez un revendeur ou quoi que ce soit. Bah ça marche pareil avec la musique, ça marche pareil avec tout en fait. Donc quand il y a moyen d'acheter directement du producteur au consommateur, et ben en général, il faut pas se priver parce que c'est comme ça qu'on soutient directement les gens qui bossent directement sur la production. Ça veut pas dire que les gens qui travaillent dans la chaîne entre deux ne sont pas importants, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais non, parce qu'après ça... Oui, ah bah ça veut dire que regardez, ah, genre les libraires sont pas non, importants. Mais tu peux pas, regardez, tu peux pas, j'ai si découpé, tu soutiens j'ai quelqu'un c'est que tu craches sur 3 sur personnes. Ouais, c'est ça. Mais voilà quoi, bien comprendre que effectivement oui, tout le monde a besoin de travailler, tout le monde a besoin de gagner de l'argent, mais que quand il y a l'occasion qui se présente, bah faut soutenir les artistes directement au maximum, voilà. Et ouais, ça marche avec les éditeurs, juste, je vais te laisser, ça fait deux fois que je te coupe, non, désolé. Mais non, je voulais j'ai juste dire, l'habitude, de toute façon, c'est toujours sur les mêmes. Tu peux y aller d'ailleurs, parce que... je sais que Chris est assez friand du catalogue d'un éditeur de comics qui s'appelle Delirium, et j'ai vu passer il n'y a pas longtemps quand ils ont mis un système de vente en ligne directement sur leur site, et du coup, bah, ça fait partie des tout petits éditeurs qui se bougent, qui font des produits de qualité, et du coup, tu peux acheter tes bouquins au prix du livre, parce mais que... l'intégralité de la thune va dans la poche de l'éditeur. The Mask est sorti en plus, le tome 2, non? Le tome 2. Je m'avancerai pas. C'était en avril, je crois. Mais le tome 1 est très bien. Sauf si ça a été décalé, mais ça devait sortir fin avril. Je ne suis pas sûr. J'ai pas revérifié les. Mais il y a du Judge Dredd chez Delirium, sinon il y a plein de trucs. Je l'attends de ouf. Ouais, Judge Dredd aussi, faudrait que je lise. Mais The Mask, j'ai tellement aimé le premier tome que. Il y a le magnifique Némésis, le sorcier, qui était aussi publié dans 2000 AD comme Judge Dredd. Et genre, ce bouquin-là, franchement, quand je l'ai vu, même la facture du bouquin, tu vois, la fabrication du bouquin, est vraiment ouf. C'est-à-dire que j'ai vu le bouquin, je suis resté bouche bée de la qualité de fabrication. Les albums de chez Delirium sont vraiment soignés de bout en bout. Et ça fait plaisir de voir des beaux formats comme ça, tu sais, genre sans faute d'orthographe sur la tranche et sans traduction bizarre sur le dos. Ouais, voilà. Oui, sur le dos. Écoute, t'as très bien compris ce que je voulais dire. Il y en a, tu voulais parler. On appelle ça la tranche pour faire chier Matt. Ouais, en fait, il y a deux trucs sur lesquels je voulais rebondir suite à ce que vous venez de dire. La première des choses, il y a un truc qui est important. Je sais pas si tous les gens le savent, mais une notion qui est assez importante, je trouve, moi, et qu'il est toujours bon de rappeler au niveau des frais de port offerts. Cette notion de frais de port offerts. Il faut savoir que quand un site, quel qu'il soit, vous offre les frais de port... Attendez, c'est le mec qui nous a expliqué qu'il a arnaqué des vieilles dames, qui va nous expliquer l'arnaque des frais de port. Oh, attendez, non, très important. Non, il n'y a pas d'arnaque. Non, il n'y a pas d'arnaque. C'est que les frais de port, en fait, sont malgré tout payés, mais en fait, c'est le site ou l'entreprise, en l'occurrence, qui va les payer. Et du coup, c'est un vrai geste, en tout cas, une tendance commerciale forte. Aujourd'hui, les gens... En règle générale, c'est quelque chose qui est pris pour acquis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu vas arriver sur un site, tu vas voir que tu as des frais de port à payer. Tu vas te dire, c'est de la merde. Est-ce que je peux avoir un code pour avoir des frais de port gratuits? Ils me font pas les frais de port gratuits, c'est un scandale, je commande pas sur ce site. Voilà, il faut aussi garder en tête, et surtout bah, justement dans les périodes qui arrivent, que le fait de proposer les frais de port offerts sur son site, c'est une vraie démarche commerciale qui a un coût. Et que bah, forcément, pour qu'une entreprise reste rentable, il faut que ce soit un coût qui soit amorti dans le flux et la masse de ventes que tu vas faire. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième, bah, surtout c'est... que le port, ça coûte extrêmement cher. Essayer de prendre un bouquin essayez de prendre un bouquin et de le peser et d'aller regarder combien ça coûte de le faire envoyer sur le site de la poste, genre un bouquin pour votre grand-mère ou un cadeau ou quoi que ce soit. Enfin, on est aujourd'hui sur envoyer le moindre objet d'un bout à l'autre de la France. Aujourd'hui, ça coûte entre 7 et 10 balles, quoi. C'est direct. Très très cher. Et il faut savoir que la poste, alors qui est le principal transporteur utilisé, c'est pas pour taper sur la poste, hein, c'est le tarif d'envoi. C'est juste que 7 balles de port sur un bouquin à 15 balles, ça fait cher. Ouais, ouais. Et il faut savoir que les frais de port, enfin en tout cas les tarifs pro pour la poste, enfin voilà, que t'envoies, il n'y a pas une différence de dingue en termes de volume, quoi. Il n'y a pas une remise comme souvent, plus tu vas envoyer, plus tu vas commander, bah, moins tu payes cher en tant qu'entreprise. Mais ça, tu sais pourquoi, c'est parce qu'à mon avis, on n'a pas assez ouvert les services publics à la concurrence, et je pense qu'avec plus de concurrence, ça serait sûrement beaucoup moins cher. Ça se vérifie partout. C'est super, suffit. Merci Chris. Mais non, moi par contre je trouve que les frais de port c'est super discriminant pour ceux qui sont véganes, qui mangent pas de viande, quoi. Très bien. Et voilà, et donc là c'est sur, il faut que je rebondisse laisse sur le ça, blanc hein, Matt, ouais, tu laisseras je... le blanc. Ouais, voilà. Ça m'arrange en même temps. Il y a pas de blanc, tout le monde rigna, ça m'arrange. C'est super. Pardon, excuse-moi, il y en a fallu que je la fasse. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est un truc, justement, bah, par rapport aux éditeurs et en bouquin, parler de quelque chose qu'on a tous en commun et qu'on connaît tous à peu près bien. L'histoire de déconfinement et qui a engendré un retravail des planning des différents éditeurs, ça a engendré quelque chose, je trouve, d'assez intéressant. Ça engendre une grosse peur, et je pense que le terme est pas léger, sur les petits éditeurs qui se demandent un petit peu comment ils vont tirer leur épingle du jeu. J'ai vu notamment parce que il y a des notions importantes au niveau des libraires qui sont en termes de visibilité pour les éditeurs. Parce que bah, les libraires n'ont d'une part pas un magasin extensible. Donc ils ont une ligne et une quantité de références à pouvoir présenter fixe, et que ben du coup là 3 mois sans sortie, ça représente du coup un retard à rattraper, et qu'il faut arriver à garder quand même cet équilibre qui était déjà quand même assez minime pour les différents éditeurs, pour garder en visibilité. Et j'ai vu l'autre jour passer, suite à l'annonce de d'Urban de leur lancement pour juin de la collection à 4,90 en souple. Et voilà, une petite pub pour Urban Comics. Non, merci, non, monsieur Gunday. Mais non, mais c'est pas question de faire une pub. C'est question que c'est un truc qui a engendré une réaction, parce que je trouvais en fait le parallèle intéressant, parce que en tant que lecteur et consommateur, tu te dis oh putain, trop bien, 10 titres présentés comme étant hyper importants, et en tout cas bah, effectivement c'est des trucs assez majeurs, à 4,90 dans un format c'est hyper accessible, etc. Donc en tant que lecteur consommateur c'est cool. À côté de ça, j'ai vu des gens que je connais éditeurs se dire oh là là, mais c'est la merde pour moi et par rapport à mes bouquins, parce que bah, forcément d'un point de vue libraire, tu sais qu'une OP comme ça, c'est des trucs que tu vas vendre sans aucun problème. Donc tu vas avoir tendance à en commander et à les mettre en magasin. Sauf que pour pouvoir les mettre en magasin, bah, faut que tu enlèves des titres. Et qu'est-ce que tu vas enlever ? Tu vas enlever en première approche les titres un petit peu obscurs, ou alors les trucs que tu vends pas trop, ou voilà. Et en règle générale, c'est les petits éditeurs qui vont être souvent amenés à trinquer. Et je comprends cette crainte, et je trouve que le parallèle est hyper intéressant, parce que d'un côté, tu as l'aspect consommateur qui te dit ah trop bien, des trucs accessibles à pas cher avec des bons récits, etc. Mais voilà, tous les comportements ont des impacts, et c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête, et qui rejoignent ce que vous disiez tout à l'heure, de pouvoir soutenir les petits éditeurs en commandant auprès de leur site directement, ou en tout cas demandant, bah, dans le cas de librairie, quand tu vas chez ton libraire, ne pas hésiter à demander des titres de petits éditeurs, même s'ils ne l'ont pas, parce qu'ils peuvent l'avoir, et que ça a, et ça aura, chez les petits éditeurs, une vente, c'est hyper important. Et oui, surtout que les seuils de rentabilité pour certains bouquins sont hyper bas, quoi. Le tirage des comics en France, c'est pas faramineux, quoi. Un bouquin qui vend à 5000 exemplaires, c'est une très très bonne vente, et il y a des bouquins pour lesquels le seuil de rentabilité c'est 600, 500 ventes. Donc tu peux sauver une publication, toi du coup c'est concret, quoi. 1 sur 500, c'est hyper concret, sur 60 millions de Français. Et oui, il va y avoir une grosse vague au moment du déconfinement, où tout ce qui n'a pas pu être publié pendant 2 mois, tout va sortir en même temps. On a l'habitude d'entendre parler de l'embouteillage au moment des sorties pour la rentrée littéraire avec les vrais livres, hein, ceux qui n'ont pas de dessin, hein, évidemment, les livres intelligents. Avec des mots. Mais il va se passer la même chose au moment où les comics vont devoir rattraper leur retard et où on va se taper les sorties à la fois de mars, d'avril et de mai d'un seul coup, où on n'a pas tous l'argent pour les acheter. Il n'y a pas la place pour les stocker, évidemment, chez les libraires, c'est ce que tu disais. Et certains éditeurs, moi je suis dans certaines conversations un peu, tu vois ce que je veux dire, c'est des questions qui commencent à se poser, tu vois, de dire est-ce qu'on pourrait pas s'entendre pour étalonner un peu nos trucs, quoi. C'est la question que j'allais te poser, parce que pour le coup, dans le domaine du cinéma, c'est aussi des questions qui se posent. Et pour le coup, j'ai l'impression, mais on verra, de toute façon, c'est comme tout est inédit, on ne sait pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression qu'on est un peu en train, que les distributeurs sont un peu en train de s'arranger pour décaler de manière intelligente leur sortie de film, quoi. Et donc, c'est la question que j'allais te poser, si ça n'allait pas être le même délire du côté des éditeurs de bande dessinée, quoi. Bah, c'est bien qu'ils le fassent, hein. Il faut, ouais. Enfin, c'est tellement précaire que sinon tu aujourd'hui tu peux complètement faire exploser le marché. Là, tu peux foutre en l'air la moitié des éditeurs en sursaturant complètement les premiers mois de déconfinement, quoi. Surtout que les mois de juillet août, c'est quand même pas des gros mois pour les ventes de BD. Donc oui, tu peux aujourd'hui complètement niquer. J'allais dire, il y a l'appareil en juillet août, c'est parce qu'il va. Pardon. Mais on sait pas ce qui va se passer en juin. En fait, Valentin a un petit problème de lag, je crois. Donc, du coup, à chaque fois, quand il y a un décalage entre le son et l'image, tu parles. Je disais donc, en plus, c'était juste pour appuyer le propos de Matt et dire qu'effectivement, l'été, il y allait avoir des mois de creux. Et donc, en l'occurrence, si les éditeurs ne balancent pas tout là au 15 mai, ils pourront largement étaler leur publication jusqu'en septembre, avant la rentrée où il y a un peu plus de sorties. Donc, c'est tout à fait faisable et qu'il faut pas que les gros mangent les petits sous prétexte on pourra pas le sortir plus tard. C'est faux, ils pourraient largement sortir des trucs plus tard. Enfin, d'un autre côté, s'il y a des périodes de creux, c'est aussi parce que les gens sont en vacances et qu'il y a aussi beaucoup moins d'acheteurs. Ouais. C'est pour parce ça que je suis super curieux, moi, de ce qui va se passer. Je suis super curieux de savoir ce qui va se passer en juillet-août. Je suis pas sûr qu'on ait les mêmes juillet-août que les précédentes années, quoi. Les gens vont peut-être faire. Mais t'inquiète, hein, là on est un peu sérieux, mais. Là, on est un peu sérieux, mais dès qu'il y aura le décalage, moi je vais, mon Green Lantern, j'attendais mon Green Lantern, il n'est pas sorti mon Green Lantern, et moi je vais mon Green Lantern. Je serai le premier à pigner. Hein. Mais après, ouais, il y a aussi le fait que, déjà, en termes d'éditeurs, là, leur catalogue et leur sortie, jusqu'à la fin de l'année, elles étaient bouclées. Donc ça vient vraiment mettre un bon gros bull dans ce qui avait été prévu initialement. C'est cool qu'ils essayent de s'arranger, de voir entre eux, de discuter, etc. Après, ça serait encore plus cool que, effectivement, comme tu l'as dit, Matt, les plus gros, parce que là, pour le coup, c'est eux qui seront en position de force, jouent le jeu et respectent. Parce qu'effectivement, rien n'empêche, malgré discussion, arrangement, puisque ça sera des choses qui seront faites pas sous le manteau, mais en tout cas, voilà, à l'oral, il n'y a rien d'engageant, rien n'empêche un gros éditeur de dire « Oui, on fait ça, on s'arrange », et puis derrière, de venir arroser le marché, éclater tout le monde, et puis terminer, reste qui pourra rester, et puis moi, de toute façon, je m'en fous, j'ai l'air insolide, je peux rester. » En l'occurrence, je ne vais pas faire fuiter des choses que j'ai pas le droit de faire fuiter, donc je vais essayer d'être un peu cryptique, mais chez les gros éditeurs, il y a aussi des gens bien. Il y a aussi des gens qui ont conscience du marché, qui ont conscience de l'importance d'avoir des petits éditeurs pour aussi publier d'autres choses voilà, et qui sont dans le game depuis assez longtemps pour reconnaître l'importance de la pluralité dans les publications de bande dessinée. Donc, pour ce que j'en vois, ça se passe plus. Les initiatives sont plutôt intelligentes et elles ne sont pas elles n'émergent pas que des petits éditeurs. Oui, après moi c'est peut-être aussi un peu mon côté toi tu veux sauver méfiant. Tout le monde, t'es un peu le héros de la BD. Non, c'est peut-être un peu mon côté méfiant, c'est-à-dire que j'ai toujours tendance à voir pas forcément le mal, mais à me dire ouais, il y a peut-être le petit côté où tu vas me dire ouais, et puis derrière si tu peux m'enfiler, tu vas m'enfiler, quoi. Il y en a qui payent leur loyer de leurs locaux. Hein. Yanda. Ça se fait, hein, je veux dire, c'est pas. mais en tout cas, oui, il y a des gens bien chez les gros et tant mieux. Il y a des gens bien chez les petits et inversement, il y a des gens pas bien partout. Mais effectivement, je pense que si on se place sur un spectre plus large, en l'occurrence culture, c'est très bien. Et encore plus dans le milieu du comics, on a pu le voir sur ces 5-6 dernières années. C'est hyper bien pour les lecteurs et pour nous qu'on ait cette pluralité de publications et de choix. Enfin voilà, dans un marché aussi niche, d'avoir quelque part la chance d'avoir le nombre de titres qu'on a aujourd'hui, de types de récits différents et tout, c'est hyper bien. Et donc la meilleure des choses qui pourrait nous arriver, ça serait que tout le monde s'entende et qu'on arrive effectivement à garder ça et qu'il y ait le moins de casse possible, même si malheureusement il y en aura, c'est sûr, mais qu'elle soit le plus minime possible, quoi. Bah, c'est l'exemple que donnait Valentin, c'est-à-dire que là, les BD The Mask sortent aujourd'hui, le film qui a popularisé le personnage est sorti il y a 20 ans, il a fallu 20 ans et il a fallu la démocratisation de En fait, je veux pas te faire peur, mais il est sorti il y a 30 ans, mais enfin, il y a 25 Pourquoi ans. Pourquoi il est sorti en 94 ouais. Bah, 94. Hey, je suis beaucoup plus vieux que ce que je pensais, c'est ça? Oh bah merde alors! Ah ouais, c'est mes 40 ans alors le 3 juillet, c'est ce que vous êtes en train de me dire, d'accord? Je suis désolé, mais ouais, bientôt la crise. Ouais. Donc bref, il a fallu attendre très très longtemps, tu vois, et il a fallu avoir un marché qui sache se diversifier pour que cette BD puisse arriver. Et voilà. Alors, enfin ouais, après, oui et non, quoi, parce que là. Est-ce que les gens vont avoir changé de goût après le. Même si je reste. Enfin, pas changé de goût si on les mange, hein, mais. Pourquoi tu précises ça? Ouais, c'est ça, c'est. Attendez, jamais, comprenez-moi bien. Je ne parle pas des cannibales. Pour les anthropophages qui nous écoutent. tu vois, si tu veux, les gens qui n'achètent par exemple que du DC Comics ne vont pas se mettre à acheter autre chose sous prétexte que les publications sont étalées. Ouais, ben si ça t'en sais rien, bien. D'accord. Parce que moi, si je veux acheter autre chose, je peux acheter autre chose, d'accord. Bon, d'accord. Mais cela étant, oui, effectivement, ça pourrait quand même fragiliser le marché de tout sortir en même temps. Maintenant, notamment quand on parle de Delirium, on est sur de l'indé très particulier, qui vise un public très particulier, en plus avec des bouquins qui sont assez luxueux, dirons-nous, on n'est pas dans le onéreux, format... Onéreux. Oui, voilà, c'est déjà... Enfin, pas forcément onéreux, enfin, c'est pas forcément ce problème-là, ça vise un public BD déjà un peu plus... Encore, enfin, un public de niche dans le public de niche, quoi, tu vois le truc? Ça vise l'élite. Très bien, de toute façon, donc essaye pas de me faire l'expliquer. Dis les mots tels qu'ils sont, exactement... ça vise oui, l'élite. Voilà. Non, c'est pas une question d'élite, mais c'est des gens qui cherchent des lectures qui sont déjà plus obscures que Batman ou Spider-Man. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si tu prends la fameuse offre Urban sur les combien 8 bouquins, 10 je sais plus combien 10 bouquins, 4. Sur les 10 bouquins 4,90, il y a 5 Batman. Donc je veux dire voilà, enfin on sait ce qui vend et on sait ce qui est porteur. Donc évidemment ces éditeurs-là sont déjà fragilisés, enfin pas de base, mais visent déjà un public très restreint. Donc si ce public restreint se tourne vers un par exemple une sortie Urban ou vers une sortie Panini qui serait foisonnante en face, effectivement ils seront encore plus fragilisés. Mais d'un autre côté, il y a déjà plein de gens qui de toute façon ne vont pas se tourner vers des publications indé ou donc bref, tout ça pour dire que t'aimes rien, on va faire changer les gens, le monde le monde ne va pas changer, malheureusement on voudrait tous que le monde change, mais on voit bien que le monde ne va pas changer. Ouais. Et moi j'ai une idée pour sauver le monde de la BD et sauver les libraires et tout ça. C'est le FCBD. C'est une application, non, c'est une application qu'on pourrait lancer et qui s'appelle Delibrerou. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir commander directement des bouquins chez ton libraire. Et puis à ce moment-là, c'est des étudiants mal payés, tu vois, à 2 € la course, qui t'amènent en vélo les bouquins directement chez toi. Et toi, tu en tant qu'éditeur de l'application, tu gagnerais une commission et donc t'aurais beaucoup d'argent. Mais tu ferais vendre de la BD, tu vois. Tu pourrais dire que c'est pour sauver les restaurants, les éditeurs, pardon. Et t'offres un nouveau modèle économique. Et Delibrerou. Delibrerou, c'est bien, non? C'est un bon nom, ça sonne. En vélo, au moins, il serait pas malade sur les routes de campagne, contrairement aux facteurs voiture, donc bon, à la limite ça serait pas plus mal, mais... Non, puis on doit pouvoir trouver des solutions pour faire la livraison sans contact. Ça fait partie, on a parlé des métiers qu'on a fait quand on était petit, les métiers d'hier, tout ça. On pourrait commencer à réfléchir aux applis et aux métiers de demain, quoi, par exemple. Enfin, je sais pas. Non, Delibrerou, ça vous semble pas porteur comme moi ça? Je préférais CakeAdvisor, moi. Ah, c'est quoi ton concept de CakeAdvisor? Explique-nous le principe. Ouais, c'est ça. Bah, compte tenu des échanges qu'on a eu dans les épisodes précédents, dans les épisodes précédents. Caca Advisor, bah, c'est genre un endroit où tu notes les différents lieux où tu as l'opportunité de faire caca, et tu dis, bah, est-ce que j'ai envie d'y retourner? Est-ce que j'ai été bien reçu? Est-ce que c'était propre? Eh ben, en vrai, ça pourrait sauver des vies. Le garage de Matt, ce serait 2 étoiles parce que c'est vraiment immonde, mais il a été bien accueilli. Oui, j'ai été bien accueilli, oui. Ça lui a rendu ah, service. Ah oui, il y a une étoile pour l'accueil, alors. Bah, ouais, c'est pour ça. Je suis pas salaud, tu vois. 2 étoiles c'est sur vrai. 5. Ouais. Je sais pas, alors non, que, Matt, alors que la cave de mon pote, comment est-ce que tu notes un truc comme ça? Ah oui, là, par contre, oui, moins 1, quoi. C'est hors, hors catégorie, quoi. Il a fallu se débrouiller, tout ça. C'est comme les, tu sais, les logements atypiques, t'es genre les, pour dormir dans une yourte, tu vois, bah là, c'est pareil, genre, j'ai chié dans la cave, t'es, c'est un peu hors catégorie, quoi. Y a pas de... J'ai chié dans la cave, ça fait très album de Martine. Martine a chié dans la cave. Ah, t'aurais des... Donc, dans Caca Advisor, t'aurais genre des conseils insolites, quoi. C'est en plus du confort, t'as comment briser un peu la routine et sortir du quotidien, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est vachement cool. Je veux dire, t'en as marre de partir toujours au même endroit en vacances. Bah là, c'est pareil, tu vois. Oh, j'en ai marre d'aller chier dans les chiottes du Leclerc en face du McDo. Bah, je vais aller, voilà, aller chier un petit peu dans la cave de mon voisin. Voilà, des trucs un peu, tu dis ce, un peu exotiques, quoi. Ce petit Porsche là dans la ruelle devant lequel je passe. En allant au travail, est-ce que ça vaut le coup? Chaque matin, pas, il me fait un peu de l'œil, et ben voilà quoi. Comment on fait pour systématiquement dériver sur le caca en fin de. Surtout comment on fait pour sortir? Comment on fait pour sortir de tout ça? Comment on va revenir? Si, comment rebondir? Si, on a parlé avec Valentin d'une application qui est beaucoup plus poétique. Oui, exactement. Moi, je pensais à Spotifleur, moi. qui est une appli, donc alors par contre le concept est un peu obscur hein, même pour moi, mais ce serait l'idée de mais non mais l'idée pas, c'était l'idée elle était assez simple, c'était on était parti du principe que les gens n'achètent plus de fleurs, qui sont les gens qui achètent des fleurs, c'était ça le truc, la réflexion de Chris. Les romantiques, monsieur, les romantiques. De base, putain, ça partait de là. Non, attends. Chris, il a commencé par dire, ouais, non, personne n'achète des fleurs, c'est de la merde et tout. Tu vas pas commencer à nous dropper les romantiques maintenant qu'on est en public. Qu'est-ce que non, c'est que cette histoire? On est d'accord, plus personne n'achète de fleurs. Moi, de toute façon, j'ai pas et du coup la main verte à part les cactus, j'arrive à rien faire pousser. Et du coup, ce ouais, qui m'a étonné, c'est qu'apparemment, il y a pas mal de gens qui achètent des fleurs encore. Mais pour les personnes mortes, oui. À l'occasion des enterrements, voilà. Des choses comme ça, on achète des fleurs, c'est vrai. C'est ça. Anecdote pseudo triste, j'ai un pote qui est décédé. Il est mort, hein, il a perdu la vie. Et à son enterrement, il y avait. C'est le jeu des synonymes. Oui, tout à fait. Il a été oxy. Mon Dieu. Non, mais il y en aurait beaucoup rire jusque là, mais il y en aurait beaucoup ri lui aussi, rassurez-vous. Et donc sur sa tombe, à son enterrement, il y avait effectivement beaucoup de fleurs. Et nous avons eu cette réflexion qui est vraie. De son vivant, il a toujours un peu galéré. Il faisait de la musique, tu vois. Il essayait de vivre de sa passion. Et il aurait préféré que tout cet argent qui est parti dans des fleurs qui ont fané sur une tombe, on lui donne de son vivant. Donc n'attendez pas la mort des gens pour leur faire des cadeaux. Faites-leur des cadeaux tant qu'ils sont là. C'est ça la morale. En argent. De cette histoire. En argent. Pas en fleurs. Oui, donnez-leur des sous. Ouais. Donnez-leur des sous, parce que si c'est pour nous acheter un porte-clés quand vous allez en vacances à Perros-Guirec, on s'en bat les couilles, donnez-nous des sous, je veux dire. Surtout qu'on va aller en vacances à 100 km de chez nous, il y a un site hein, pour faire le cercle à 100 km de chez nous pour savoir où ça va être. Je peux vous dire que moi, je vais passer des vacances dans le Perche et à Laval. Wouh, ça va être funky. Comme plus personne n'achète de fleurs, il faut une offre dématérialisée, comme pour la musique, comme pour les CD. On n'achète plus de CD, il faut une offre dématérialisée et illimitée. Et donc Spotifleur, tu peux avoir... des fleurs, des maths et illimitées, avec un abonnement, je sais pas, à 15 balles par mois, un truc bien quoi. 15 balles par mois, on t'envoie des photos de muguet quoi, c'est cool. Attends, c'est quand même super. C'est un bon plan. Par contre, tu peux pas les envoyer. Enfin, je sais pas. Oui, bon, oh putain, oui, j'ai mis. Bon pareil. Plante. Je l'ai pas eu tout de suite, mais oui, très bon plan. C'était pas fait exprès. Je vais pas. Et du coup, je sais pas, quand tu l'avais répété deux fois, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à comprendre. Valentin, il fait tellement de jeux de mots. Mais qui est hyper méta, tu sais. Non, c'était, ouah, putain, il a fait un truc de fou. Attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'assume? Est-ce que je prétexte que, ouais, non, en fait, bien sûr, c'était fait exprès. Attendez, vous m'avez pris pour un. Quand c'est pour le jeu et pour gagner des thunes, tu le fais. Mais sinon, quand c'est entre amis, tu le fais pas. C'est ça. Ouais, je comprends. Okay. Valentin, il voit des jeux de mots. Il en fait tellement. Il voit des jeux de mots là où on en a pas fait. Quoi. mais non. Du coup, j'ai perdu ma. Non, c'est ça. Tu dis, tu peux les envoyer, mais non, pas du tout. En plus, enfin, tu vois, j'utilise pas Spotify. J'ai Deezer personnellement, mais je peux pas envoyer ma musique. C'est pour la consommer pour moi. Donc non, c'est juste pour toi, pour recevoir pour toi. Regarder des fleurs, des photos PNG, de roses, de. Non, mais attends, tu peux aussi avoir du BMP. Hein, tu peux avoir de la qualité du RAW, caméra RAW. Je sais pas comment c'est, les formats d'image, je suis pas très bon, mais bref. Tu peux avoir ouais, du décompressé, quoi. Puis t'as, voilà, t'as des fleurs en illimité. T'as un accès gratuit avec un filigrane dessus ou Pour la pub, avec des, je sais pas. Avec des pubs. Placement t'as de des pots. T'as des pots, il y a des stickers dessus, il y a Naruto quand tu t'achètes des roses. Non mais Spotify fleurs, ça peut être bien. Après tu fais un pack famille, c'est bien. Comme ça tu peux avoir des fleurs avec tes enfants et tout. Il y a des trucs à faire. Vraiment. Je voulais revenir sur le pote de Chris qui était musicien. Parce que oui, on a complètement est mort surtout. Est mort. On a complètement embrayé, mais je voulais juste c'est un truc qui me tient à cœur sur l'histoire des intermittents et des 507 heures. Parce qu'on explique que ces fainéants d'intermittents ils bossent que 507 heures et quand même et tout machin. Et en fait juste à quoi ça sert les 507 heures? Pourquoi est-ce que les mecs bossent 507 heures et après eux ils ont droit au chômage alors que nous on doit cravacher beaucoup plus pour toucher probablement beaucoup moins. Et en fait c'est juste la notion d'artistique, c'est une notion qu'on retrouve aussi quand vous allez acheter un bouquin, un dessin en convention à un dessinateur. Combien tu me fais le Spider-Man? Ah bah sur une feuille blanche c'est 100 euros. Bah attends, tu vas mettre un quart d'heure pour le dessiner. En fait vous payez pas le quart d'heure pendant lequel le mec va dessiner, vous payez aussi toutes les heures de frustration pendant lesquelles le mec s'est entraîné, il a essayé, il a raté, il a cherché, et c'est tout ça en fait qu'on paye. Et les 507 heures des artistes, elles servent à ça. Il y a effectivement 507 heures de travail actif dans des salles, à faire des résidences, à faire des spectacles, à faire des plans techniques et tout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si quelqu'un monte sur scène pour vous faire une prestation artistique, bah avant il y a de la préparation, il y a de l'entraînement, il y a des répétitions. Si on veut que ce soit carré et qu'il y ait un peu de lumière, et bah il faut se réunir avec les mecs du son, les musiciens et la lumière pour le spectacle. Si vous voulez que ce soit un spectacle de théâtre par exemple avec des costumes, bah il faut des comédiens, il faut metteurs en scène, il faut de la lumière, il faut des costumes, il faut un peu de matos. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent hors champ. Et en fait l'histoire des 507 heures permet de dire, si tu passes, en gros, en résumé, si tu passes 507 heures sur scène, on va te payer des acédiques, là, enfin comment on dit, bref, des, c'est pas des subventions, c'est bref, on va te donner de la, des indemnités, merci, on va te donner des indemnités qui vont te permettre de d'avoir du temps pendant lequel tu ne cherches pas d'argent et pendant lequel tu fais de la recherche artistique et de la création pour pouvoir ensuite proposer quelque chose. Parce que bah, quand on a fait du vélo, on est tous tombés avant de savoir faire du vélo, c'est exactement pareil. Avant de faire, surtout, avant de faire ce podcast, on a fait 3 épisodes ratés avant d'arriver alors, à la qualité de cet épisode. J'allais dire justement, si vous pensez que la répétition et l'organisation ne sont pas importantes, c'est pour ça que vous écoutez encore cette émission. Donc voilà, juste à quoi sert les 507 heures, c'est à ça, à donner aux gens le temps de s'entraîner pour ne pas s'entraîner sur scène en fait et pouvoir proposer quelque chose d'à peu près fignolé et de qualité. Voilà. Oui. Et puis les métiers de l'intermittent sont vraiment au pluriel, variés et hyper nombreux. Et il y a 36 000 raisons qui font que ce régime est intéressant et vital pour les gens qui en vivent, justement, parce qu'on n'a pas du boulot tous les mois selon les périodes. Notamment quand tu fais quand tu bosses dans le cinéma, dans le domaine de la régie et tout ça. C'est très compliqué. Non, puis malgré tout, tu n'es pas forcément dans ta... Enfin, moi, j'avais un pote vraiment proche, notamment, qui était plutôt chanteur-guitariste avec son groupe, qui faisait des plans de guitare avec d'autres groupes pour accumuler un peu des heures. Et comme ils n'arrivaient pas à trouver forcément des concerts et des plans sur scène, parce que les concerts, c'est très compliqué, eh ben, il allait monter des structures de théâtre, il allait faire de la lumière pour des trucs. Tu fais aussi, à un moment, des trucs techniques et pas drôles. Et quand il faut aller monter des décors qui pèsent bien lourd dans des camions, parce que c'est pas du matelas gonflable là, c'est pas du canapé gonflable, c'est du décor bien lourd. Simplement pour faire tes heures quoi. Donc il y a aussi de la manute, et dans les 507 heures il y a des trucs pas rigolos et qu'on n'aurait pas envie de faire non plus à leur place quoi. Donc voilà. C'est des gros feignants, c'est des saltimbanques, hein. Ils pourraient être caissiers chez Leclerc comme tout le monde. Oui, mais eux ils ont ça et moi j'ai pas. Donc tu comprends. Bah oui, hein. C'est ouais. Moi, c'est pour ça que j'aime on pas. On va faire un épisode sur le nivellement par le bas, hein, qui est quand même un art assez extraordinaire, dont on a vraiment une maîtrise hors norme chez nous, hein, bien sûr. Hein. Ce que les autres ont, il faut leur enlever plutôt que de tous essayer de le demander. Hein. C'est un classique. Ouais. Bonsoir. Ah, Patrus, tu es de retour. Oui, absolument. J'adore ce que vous dites. Ça me fait penser que je suis bien au-dessus de vous. Allez, je vous laisse, salut. C'est marrant parce que Patrus, il a un peu la voix de Patrick Balkany. C'est ce qu'avait fait Balkany à un moment à sa mairie, puisqu'il y avait une partie de la rémunération des maires qui repartait à l'État. Je ne sais plus quel était le montage bizarre. Et du coup, bah, techniquement, les maires devaient perdre un peu d'argent. Et Patrick Balkany, il avait réussi à faire en sorte que tous les conseillers municipaux de Levallois-Perret acceptent une baisse de leur salaire à eux pour compenser sa baisse de salaire à lui. En fait, l'argent qui lui manquait à lui, il allait le prendre un petit peu dans la poche de chacun des conseillers. Tu vois, c'était assez fascinant. Du coup, dans son domaine, c'est un génie. Ce qui est assez intéressant en plus, c'est que les politiques qui s'attaquent à ça, donc qui s'attaquent aux indemnités qui peuvent être versées à des gens qui sont inactifs, entre guillemets, sur certaines périodes, ne sont par contre pas du tout dérangés par le fait de pouvoir toucher une retraite à vie après avoir fait un mandat dans n'importe quel service. Tu vois, donc c'est assez étonnant que, comme souvent, hein, ça te dérange surtout quand t'es pas concerné, quoi. Après, quand ça te concerne, t'es plutôt d'accord de toucher un truc sans rien faire. Ouais, l'inactivité des autres, ça fait chier. Par contre, ton inactivité à toi, quand on arrive à pointer que tu viens jamais à l'Assemblée nationale, par exemple, ça pose pas de problème. C'est ça. Je vais faire un rapprochement un peu what the fuck, mais j'ai jamais réussi à retrouver cet extrait-là de reportage. Mais Monsieur Patrick Balkany a fait une référence à Judge Dredd dans un conseil de mairie une fois. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais j'ai trouvé ça magnifique. Genre la loi, c'est et moi. À la fois, sacré bah, patoche. Ouais, alors la loi, c'est moi, mais où le maire de quoi il est, lui? Le Valois-Perret. Ouais, et donc il l'a dit, le Valois, c'est moi. Et il l'a gueulé comme ça dans sa mairie, et j'étais devant ma télé, j'ai fait, waouh, putain, il est ouf ce gars, et j'ai jamais réussi à remettre la main sur cet extrait, ça date d'avant 2010, je pense, donc c'est un peu chaud. Mais ouais, en plein conseil de le Valois, c'est toi. Non, mais de toute façon, le Valois, c'est moi. Tu crois qu'il voit... Je sais pas si c'était conscient ou pas, mais... Il voit peut-être le Valois-Perret comme Mega City One et qu'on est tous des mutants radioactifs à l'extérieur. C'est possible. C'est les pauvres, c'est des mutants. Ouais. En fait, Grindry, il pensait que c'était un androïde, donc c'est pour ça qu'il avait pas trop de remords. Il pensait que c'était une machine. Il se dit, ouais, c'est bon, allez, robots, vous allez pas nous faire chier, hein. Vous allez travailler, puis c'est tout. C'est scandaleux. Ouais. Oui, complètement, ouais. Matt, dis-moi, parce que tu me disais en off que tu écoutais mes conseils et ça me fait toujours plaisir. Tu as disais que tu allais te remater. Non, quoi, je sais pas. Non, j'avais juste posé. Non, je déteste avoir. Donc... Je déteste avoir tort et je vais devoir expliquer pourquoi j'ai eu tort. Donc vas-y, je te laisse. Ah non, pas du tout. Ah oui, alors ça, volontiers, on y reviendra après si tu veux. Mais non, c'était pas ça du tout. Tu disais que t'allais remater Tempête de boulettes géantes, donc je sais pas si tu l'as fait. Mais surtout, ma question à laquelle je suis venu après, c'est mais du coup, si je suis de très bon conseil, est-ce que tu as maté le film du confinement, j'ai envie de dire, The Guilty, qui se passe dans un seul lieu pendant 1h30 et où le mec ne sort jamais et où on est toujours avec lui tout du long. Et donc, comme j'en parle dans un ciné-mini et que c'est un film génial que j'ai eu envie de revoir tout à l'heure, je me suis demandé si tu l'avais vu. Non, mais j'ai... C'est juste ça, ma question. La dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble, on a parlé de la Snyder Cut et donc on a parlé de Justice League et de BVS. J'ai revu... Tu ne répondras pas à ma question avant de passer sur le sujet dont tu voulais qu'on parle. Non, pas du tout. Si, je vais répondre à ta question. Le podcast de la Snyder Cut, cette émission. Je me souviens pas que tu avais vu... Dans chaque épisode, 1 heure de Snyder Cut, c'est parti. Et une pause caca. Je ne vois pas du tout quel est le Guilty dont tu parles, mais évidemment, je vais devoir aller mater ça, puisque suite à ton amour pour ce film, j'ai déjà revu Baby Driver pendant le confinement. Ah oui, c'est vrai. À cause de toi, j'ai revu du coup Batman vs Superman et j'ai vu aussi Justice League. Donc oui, je vais sûrement aller devoir mater The Guilty. Et de la même façon, à cause de Chris, j'ai le coffret Blu-ray de la trilogie de Riddick en face de moi. Enfin, j'ai beaucoup de choses à cause de... Ah, j'ai jamais vu le troisième d'ailleurs, qui s'appelle juste Riddick, je crois. Si oui, juste Riddick. Juste Riddick, ouais. Que plutôt ça passe, quoi. C'est pas le meilleur. Le deuxième, les chroniques de Riddick restent quand même... Enfin, Pitch Black est plus rentre dedans. Les chroniques de Riddick... Les deux sont différents déjà. Ouais, Pitch Black et les chroniques de Riddick, c'est vraiment différent, mais... Ouais, les chroniques de Riddick, c'est vraiment super bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais moi je sais qu'il m'avait... Ah, ça a peut-être vieilli un peu, ouais, ça fait un bout de temps que je l'ai pas regardé. Peut-être, ouais. Et le troisième... Mais l'histoire est mortelle. Enfin, le troisième se rapproche plus de l'idée de Pitch Black, mais ouais, c'est le moins bon des trois, mais c'est pas du tout une purge. Moi, pour ma part, on a parlé l'autre jour de Dario Argento, et notamment j'en ai reparlé parce que Daft Punk va faire la musique d'un film prévoit de faire la musique d'un film d'Dario Argento. Et du coup, j'ai revu notamment Ténèbres d'Argento, qui doit être sorti en 82, je crois. Et c'est en fait c'est le passage de cette période du giallo, donc du film plutôt policier, vers le film plutôt d'horreur dans les années 80. Et je vous recommande son visionnage, puisque ce n'est pas forcément le plus populaire de ses films, contrairement à Suspiria, qui est souvent cité. Mais c'est un bon petit film à twist. Et je l'avais déjà vu, mais ça faisait longtemps, et j'avais oublié le twist, et je me suis laissé prendre par ce twist. Tu t'es fait twister, voilà. Donc. Je me suis fait twister par Dario Argento. Donc, voilà, c'était mon revisionnage de confinement. Mette. J'ai vu aucun au film twist, de ce mec-là, et t'es pas le seul à me vendre... Bah ouais, mais... Le twist, c'est à Saint-Tropez, par contre. Hein. Voilà. En plein confinement, c'est à plus de 100 km de chez moi, je pourrais pas y aller, c'est chier. Ah merde. À Saint-Tropez. comment ouais alors avant de finir alors, peut-être du coup Louis, il va falloir que je revoie personnellement genre battons-nous. J'ai une préférence pour Twist Again de Richard Anthony, voilà, c'était tout. Comme le Twist Again. En fait, ce qui me déprime, c'est que j'ai ces références musicales. C'est-à-dire que je connais les morceaux dont vous parlez. Et donc, Dick Rivers, Richard Anthony, j'ai quoi. C'est un scandale. Et du coup, pour terminer sur Je suis un homme sous influence, j'ai lu New Frontier de Darwin Cook à cause de Mr. Yonda. Et donc, je vais revoir. C'est quoi? C'est Invasion de boulettes de. Invasion, tempête de boulettes géantes. Non, tempête de boulettes géantes, ouais. D'accord. Et Invasion, coup... Los Angeles, boulettes géantes. C'est Snake Plissken qui doit escalader c'est... une. C'est Kurt Russell contre des boulettes géantes. Je comprends rien du tout. Et voilà, et c'est un film d'animation que moi j'ai vu, que j'ai trouvé tout à fait sympathique, mais qui m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Et t'as fait une vidéo sur ce film. C'est pourquoi c'est le meilleur film d'animation du monde, c'est ça? C'est le meilleur film d'animation de tous les temps. Ouais. Après, comme je le dis bien dans la vidéo, c'est vraiment un ressenti personnel. Et je comprends tout à fait qu'on le trouve juste sympa, quoi. Mais moi, je le trouve oui, vraiment extraordinaire, ce film. Ça fait partie des trucs. Non, mais tu sais, ça fait partie des trucs que j'ai vu en deux fois avec mon gamin. Genre, je me lève un matin, il est en train de regarder ça, j'en vois un bout. Je me lève le lendemain, il re-regarde le film, j'en vois un autre bout. Et je m'étais pas plus intéressé au truc. Et t'en parles avec tellement d'amour et d'affection que bah, je vais être obligé de lui donner une deuxième chance. En fait, oui. C'est typiquement le film avec un titre et un design qui fait que c'est le film de l'après-midi sur Gulli. Ça vend pas forcément du rêve comme ça, mais il est vraiment plus profond que ce qu'il n'y paraît. Et pour le vendre encore plus, c'est ce que je dis pas dans la vidéo parce que j'aime pas me répéter. Donc là, ça va être de l'inédit. Mais ce film a été créé par les mecs qui sont derrière notamment le film Spider-Verse, le film d'animation Spider-Verse, et aussi Spider-Man New Generation en français. Exactement, pour faire simple, exactement. Et aussi derrière 21 et 22 Jump Street. Mais c'est bien des ça. Des films qui sont sortis il y a quelques années. Et je te jure, pareil, comme Tempête de boulettes géantes, en fait, c'est en mode, ouais, c'est une comédie, bon, un peu potache, pas drôle. C'est hilarant, c'est très méta, c'est trop bien. Et les gars qui sont derrière ces quatre films-là, qui sont aussi derrière le film Lego Movie, d'ailleurs, qui est très bien, ils font des grosses tueries, ils sont malins. Hyper référencé, intelligent et en même temps accessible à tout le monde. C'est-à-dire que tu peux voir le film en mode premier degré sans souci, mais si tu veux creuser, tu peux creuser très, très, très profondément. Tu auras toujours des trucs à découvrir, des trésors fabuleux. Tu vois, 21 Jump Street, moi je suis assez vieux pour avoir connu la série télé avec Johnny Depp quand j'étais petit. Et du coup, on était dans une période où il y avait des films qui faisaient des remakes de séries télé. Genre, il y a eu un film Sheriff et moi peur ou un truc comme ça. Duke Hazard, il y a eu un film avec ça. Et oui, exact. Pour moi, ça rentre vraiment dans cette période où on fait du film nanar de séries pour surfer un peu sur la vague nostalgique, quoi. Et donc, j'aurais pas mis 5 balles sur le film 21 Jump Street. Ouais, sauf que quand tu sais que c'est ces mecs-là qui ont fait ça, donc c'est Phil Lord et Chris Miller qui sont derrière ça, du coup tu dis « Ah, mais en fait ces gars-là réfléchissent, donc si on leur a mis ce film-là entre les mains, enfin cette licence-là entre les mains, ils en ont peut-être fait quelque chose. » Et effectivement, ils en ont fait quelque chose, c'est barré, hein, c'est déjanté, c'est débile en surface, mais en vrai il y a plein de trucs super drôles, super méta et super chouettes qu'on devrait faire dans ces films là on devrait faire une newsletter, la newsletter de Valentin où toutes les semaines tu reçois 4 films que tu dois voir dans la semaine et qui sont bons pour toi, pour ta culture, pour ton moral, pour te faire du bien, pour ce genre de choses. Ah bah ouais, bah Mathis, je valide fond, Je valide complètement pour 21 Jump Street et sa suite. Parce que j'ai cru moi, et Sheriff fais-moi peur. Non, non, non, mais parce que je les avais pas regardés en partant du même principe que toi, en me disant ah c'est voilà c'est le recyclage de licences au cinéma pour surfer sur. Et c'est le bon Punky qui est toujours de bons conseils qui m'a dit si si mate-le, c'est super. Ah oui, bah, c'est sûr qu'il a kiffé. Ouais. Voilà, et, bah, et il a raison. c'est vraiment deux super films. Et franchement, alors c'est pas du tout le. Moi j'ai Punky, un gamin, tu, je tu veux dire la série. Le YouTuber Punky. Oui, bah oui. Tu es ami avec un YouTuber vidéo. Je veux dire, on est entre nous, donc tu sais de qui je parle, c'est pas la peine de... Et le comment... je sais plus du coup ce que je racontais. Devant la série... Moi, j'ai grandi devant la série, tu vois, le côté un peu bad boy et tout ça des années 80, c'était un peu mon kiff. Et effectivement, c'est pas du tout le même délire, le film, mais ça marche très bien et c'est pas en plus une mauvaise adaptation slash suite, sans spoiler. Donc... franchement, ouais, ça vaut le coup d'être regardé et je n'ai pas été déçu. C'était des bonnes surprises. Tout à fait. Est-ce bon, qu'on peut juste en. Oui, pardon. Non, rien, j'allais dire que j'avais les 3 Riddick et les 2 21 Jump Street, donc ma semaine ciné voilà. Est faite. Bah oui, surtout que tu as vu Batman v Superman hier et que donc tu vas pouvoir en 2 minutes compléter ce qu'on a dit dans le dernier podcast, peut-être. Et Justice League ce matin, du coup. Et Justice. Ah oui, par ouais. Contre ça, alors même en off, tu nous as pas dit bah ce que t'en avais pensé. Bah non, on va pas doublonner avec le podcast. Allons-y alors. Eh bien, bah c'était bien. C'était bien. Bah oui, alors, voilà. Lequel? Alors Batman vs Superman, je continue à trouver que, en fait, comment dire ça sans je déteste avoir tort. du coup bref non tort, non. Oh, non ça m'étonne oh, franchement vous, ça m'étonne vous, enfin. Et du coup bon il va falloir que je revienne et que je contredise ce que j'ai pu dire dans l'épisode précédent. Le film apporte il y a plein de trucs intéressants dans le film. Moi je continue à penser que il va pas assez loin et je me souviens de ma frustration au cinéma parce que je trouve que ce qu'on nous vend sur le discours du surhomme qui est inarrêtable et est-ce qu'on peut tolérer dans une société un surhomme qui serait tout puissant et qui serait au-dessus des états et ce genre de choses, moi je trouvais ça intéressant et j'étais frustré au cinéma de au moment où ce débat qui m'intéressait arrive et où Superman se présente dans la salle d'audience, on n'a pas du tout cet élément-là. Au contraire, on a un twist à base d'un bol de pipi et d'une explosion et je trouvais ça un peu dommage. Et je continue à trouver. En fait, ce que j'ai compris là en revoyant le film, j'ai vu la version longue. Je sais pas si ça change beaucoup de choses, mais j'ai vu la version Ultimate Edition là, avec qui fait 3 heures. Il a vu la Snyder Cut. Ça consolide le film, on va dire. Il a vu la Snyder Cut. J'ai enfin vu la Snyder Cut. Alors les effets spéciaux sont pas tout à fait finis, mais franchement, c'est bien. Et du coup, je continue à penser qu'il y a des éléments qui sont un peu compliqués à aller chercher. C'est-à-dire que il y a un personnage au fin fond d'une scène qui va dire un truc au bout de 20 minutes, et c'est quelque chose qui trouve un écho au bout de 2h40. Et si t'es pas vraiment attentif à toi, essayer de rassembler les pièces du puzzle, il y a des choses qui ont l'air de sortir de nulle part. Par exemple, je me suis couché en me demandant à quel moment est-ce que Superman se rend compte que Bruce c'est Batman. Et c'est en me réveillant, en y repensant, que j'ai dit, ah bah oui, ok, c'est à ce moment-là que... Mais quand j'ai vu le film, la vraie fois que Superman arrive et qu'il dit, bon, il dit à Batman, bon écoute Bruce, maintenant on arrête, j'étais un peu surpris, ça arrive de façon sèche et je... Voilà. Comme l'histoire avec l'importance de leur deux mamans qui s'appelle Martha, plusieurs fois avant dans le film, vite fait, on dit « Oh non, mais c'est juste deux grands-enfants. » Et du coup, bah oui, si c'est deux grands-enfants, c'est pas une phrase anodine, en fait. En fait, il y a plein de... Si c'est juste deux grands-enfants, leur maman est importante. C'est pas une phrase anodine dans le film, et il y a plein de petites phrases qui seraient anodines dans plein de films, et qui seraient des trucs, voilà, qui sont en fait des choses qui ont de l'importance chez Snyder. Et dans la construction du film, il prend pas le spectateur par la main, il met pas un coup de stabilo pour dire « T'as vu, là, on a dit quelque chose qui va resservir dans 2 heures. » Regarde, c'est un méchant. Point, point, point. Et du coup, oui... Tous ces artifices de construction, qu'on plus faire dire bah, attends, c'est débile, pourquoi est-ce qu'il le sait et tout machin. En fait, oui, bah, c'est pas que le film est débile, c'est que le spectateur, et moi en l'occurrence, était débile et j'ai pas vu ce truc-là. Donc voilà, je pense que ça a joué sur ma vision du truc. C'est il faut aller chercher un peu plus que dans un blockbuster classique. Et je suis beaucoup plus... Tu veux dire que c'est un film intelligent? On n'est pas habitué, c'est pour ça. Bah moi, j'étais pas habitué. Un film de super-héros intelligent. Je m'attendais pas à ça. Et l'autre truc, il y a encore plein de trucs dont je suis pas hyper fan. Mais je suis un peu revenu de Doomsday. Dans le sens où je continue à penser que le film peut se faire sans lui et qu'on n'a pas besoin d'avoir un boss de fin comme il est fait à la fin. En revanche, je peux comprendre un intérêt à ce personnage-là, puisqu'en fait, grosso modo, il devient plus fort. Plus on l'attaque, plus il devient fort. Du coup, les humains vont l'attaquer, ils vont lui tirer dessus, il devient plus fort. On lui met une bombe nucléaire dans la tronche, il devient méga fort. Et donc là, les humains disent « Oh, bah, on ne sait pas le tuer, alors on arrête ». Et en fait, non, faut aller chercher une solution ailleurs. Et là, les super-héros sont là pour montrer qu'eux, ils sont capables d'aller chercher une solution ailleurs et donc d'arrêter le méchant. Et si les super-héros n'avaient pas été là, en fait, les humains capitulaient et ils se faisaient défoncer. Donc, la symbolique de face à des super-menaces, t'as besoin d'avoir des super-héros parce que les humains vont capituler, elle prend son sens avec ce truc-là. En revanche, bon, sauf que, c'est moi qui vais chercher cette explication-là. Sans super-héros, il n'y avait pas cette super-menace, puisque cette super-menace existe parce que les super-héros existent. Et d'ailleurs, comme dans les comics, les méchants existent parce que les gentils existent en général. Donc finalement, ça s'annule un peu. Oui, ça s'annule un peu, mais je dis que s'il fallait trouver une... je mets un peu d'eau dans mon vin, je continue à pas aimer ce passage, et je pense que le film peut se faire juste avec Luthor. Tu t'arrêtes, sans avoir... tu le laisses, d'accord, écoute. Sans écoute, avoir d'où c'est. Mais on peut trouver, même moi, je peux trouver, dans toute ma mauvaise foi, je peux trouver une justification à Doomsday à ce moment-là. Et donc, non, j'ai pas passé un mauvais moment devant ce film. Et Justice League, alors. Et j'en étais moi-même assez surpris. Justice League, je suis emmerdé par plein de trucs de fans. Et je ne sais pas s'il faut les prendre en compte dans la vision du film. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je suis très emmerdé dans la scène où Bruce Wayne est Batman. Oh, spoiler. Mais Batman, c'est quand même le mec. Quoi? C'est le mec le plus parano du monde. C'est-à-dire qu'il contrôle tout le monde, il contrôle son image et tout. Et on a quand même une scène où Bruce et Arthur Curie, donc les deux super-héros en civil, sont en train de discuter dans un village et ils s'appellent par leur nom de super-héros. Et je veux dire, si j'étais moi qui suis un peu parano, si j'étais Bruce Wayne, genre le parano. Quoi? Alpha. Non, enfin, bon. Si j'étais Bruce Wayne. C'est vraiment le podcast des révélations. Parano Alpha, je supporterais pas que, sans mon masque, un mec m'appelle Batman devant des gens. C'est-à-dire, il fait pas dans une ruelle, il le fait devant des gens, tu vois. Et du coup, moi, c'est ces trucs-là, en fait, dans le. Ouais, mais dans Justice League. Dans Justice League, déjà dans Batman vs Superman, tu vois l'état du manoir Wayne et tout ça. T'es pas face au Batman mondain qui s'affiche. T'es déjà sur un Batman un peu renfermé qui finalement a un peu quitté la vie publique et tout. Donc Bruce Wayne n'est pas forcément en mode je cache à tout prix mon identité. Bruce Wayne est coupé du monde déjà finalement. Oui. Donc il s'en fout un peu. Non mais d'accord, mais là on l'appelle Batman, tu vois. Il est en Bruce Wayne et on l'appelle Batman. Alors tu dis qu'il est coupé du monde. Quand il se pointe à une soirée mondaine, tout le monde sait que c'est lui et qu'il y a des photographes et des paparazzi oui, tout oui, le temps. Bien sûr. Et il est quand même. Je pense que c'est peut-être. C'est pas forcément le Batman des débuts qui cherche à tout prix à cacher son identité, dans le sens où par exemple il a pas vraiment d'entourage à protéger, tu vois, il y a plus de Robin, il y a plus de tout ça, il y a un peu cet aspect là peut-être. Mais là j'extrapole complètement parce que c'est pas du tout explicite dans le film, hein, mais en revanche j'étais très surpris parce que j'ai vu il y a une grosse différence entre BVS et Justice League, c'est que dans Justice League ils parlent tous avec un fort accent québécois et j'ai trouvé ça extrêmement surprenant en fait. Pour le coup c'était très c'était la version Bentales, c'est pour ça. Ah bah voilà, ça explique. Et c'est vrai qu'il y avait, j'ai pas du tout entendu la voix de Malik Bentala à l'intérieur de Justice League, donc pourtant dans la version française c'est lui qui fait Wonder Woman, donc ça fonctionne, hein. Absolument, absolument. Il mange des donuts. Donc voilà. Non, j'ai trouvé ça bien. Et je trouvais ça bien. Je me suis même pas. Même Justice pas, League. Ouais, on va pas tortiller. J'ai pas. Je trouve que. Mais c'est je trouve cool. Que ça. Enfin, je trouve que ça marche. J'étais dans l'aventure. C'est. Enfin, il y a plein de. Il y a mais plein ça, de moi, plans. Je trouve que c'est un Justice League. C'est un bon dessin animé de DC. Ouais. Mais malheureusement, en fait, Justice League, les gens confondent mauvais et décevant. C'est-à-dire qu'il est décevant parce que tu t'attends à bien plus d'un film Justice League, mais il est pas foncièrement mauvais dans le sens où il y a plein de films qui valent pas plus. C'est pas un super bon film, mais ça reste un film passable. Ouais. Voilà. Moi, ça a été. Non, mais il y a pas. Ouais. Ça a été ce jugement-là les deux premières fois que je l'ai vu, et là je l'ai revu il y a trois mois avec mon frangin. En ayant fait Man of Steel et BVS juste avant, mais vraiment juste avant, on s'est fait un marathon. Bah là, mon jugement était un peu plus sévère, mais c'est vrai que sur les deux premières fois que je l'ai vu, j'étais en mode non mais ça va, c'est exactement ce que tu dis, Chris, c'est décevant, mais c'est pas dramatique non plus. Mais moi, tu vois, c'est la deuxième fois que je pense pas que ce soit un nanar, mais bon. C'est la deuxième fois que je le vois. Je l'ai vu lors de sa sortie en salle, et je suis sorti après la sortie en salle, j'étais vraiment pas content. Je trouvais ça pas bien et tout machin. Et je l'ai pas revu depuis. J'étais resté sur une très mauvaise impression. Et en fait, non, il y a pas à rager, tu vois. Il y a pas à pigner pour avoir la Snyder Cut, par exemple. Enfin, franchement, ça va aller, quoi. Bah non, mais enfin. Je pense qu'elle apporte tellement de trucs et surtout tellement de cohérence avec BVS que du coup. Mais tu sais, c'est comme le film du frère de Christ. Toi, tu l'as vu, pas nous. Donc, je peux pas le juger pour l'instant. Mais toi, t'es dans les secrets des dieux. Mais enfin, je sais pas. Tu vois, ça m'a pas là. Bon, ben voilà, j'ai vu un film de super-héros. J'ai vu un divertissement. J'ai pas crié au génie. J'ai pas trouvé ça formidable. Mais je me suis pas ennuyé deux minutes et les deux heures sont passées tranquillou et je suis allé faire autre chose après, et voilà, ça m'a pas ni ennuyé ni enfin voilà quoi, c'était cool. Qu'est-ce qui te gêne, qu'est-ce que tu voudrais revoir fait, toi? C'est quoi qu'est-ce que t'attends de la Snyder Cut, par exemple? Parce que là tu polémiques là-dessus tout. Mais non, c'est de continuer dans la lignée de BVS, savoir ce que signifie, on le sait, mais je veux dire d'avoir une explication de ce que signifie le rêve de Bruce Wayne dans BVS, où il voit le symbole Oméga dans le désert, d'avoir plus de présentation des personnages aussi, Flash, Cyborg, d'où ils viennent, qui c'est, nous on le sait parce qu'on a lu les comics, mais en vrai c'est pas franchement approfondi. Mais ça, c'est des trucs qui étaient dans la première version du film et qui ont été réduits ensuite. Oui. Oui, absolument. D'accord. On sait, même dans les tu mates les bandes annonces déjà, tu vois que Cyborg était un joueur de basket de football américain et que enfin, tu voyais tout ça. Flash, tu vois aussi ce que disait Yanda la dernière fois. Parce que du coup, on peut la trouver facilement. Effectivement, je l'ai vu entre temps. La scène où Flash sauve Iris West, qui permet sans doute ça devait être complété par d'autres scènes, j'imagine, qui permettaient d'en savoir plus sur le personnage. Enfin, il y a plein de choses. Et puis même au niveau du ton, c'est beaucoup moins sérieux, beaucoup moins noir que BVS. Et rien que ça, il y a une différence franche et hallucinante au niveau du ton qui fait que ouais, ok, d'accord, vous êtes vraiment passé sur du Marvel-like, quoi, alors que BVS c'était autre chose. Et c'est sûr que la Snyder Cut était différente. Voilà. Et voilà. C'est ça qui me gêne. Et je me souviens avoir kiffé au cinéma la scène où il y a un mec qui sort d'un cambriolage et que dans le reflet d'une vitre, il y a Batman qui est posé derrière. Sur ouais, un bout de toit ouais. Ou sur une gargouille et tout. Je me souviens avoir kiffé ça au cinéma, et quand j'ai remis le film ce matin, j'étais en mode ah ouais, putain, c'est cool. Et du coup, ouais, il y a quand même. Surtout que t'as le thème de Batman à ce moment-là, le thème de Tim Burton en fait. Puisque il faut faire plaisir aux fans. Donc voilà, c'était bien, voilà. Non, mais du coup, je vais l'acheter. Je comprends. Du coup, je vais l'acheter, je pense, vraiment, pour le voir vraiment avec la vraie version. Parce que c'est important de soutenir les petits éditeurs. Avec la voix de Malik Bentala. C'est important, ouais. Bah, je vais l'acheter sur Amazon, du coup, évidemment. C'est moins cher. Mais je sais pas. Ça fait partie de. Ouais, je vous avoue, moi, j'ai le Steelbook chez moi. Hein, je suis réconcilié avec le film, en vrai. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, Mate the Guilty, donc c'est un film danois de Gustav Møller, sorti en 2018. Et c'est trop, trop bien. C'est un thriller épatant qui vous laissera qui vous fera rester scotché devant votre écran, vraiment. Ah, on fait notez-le et puis on en parle pendant le prochain numéro. Alors moi, si je devais vous filer des devoirs et que vous l'avez pas vu, je vous conseille de mater Memento, qui est un des premiers films de Chris Nolan, et que le deuxième, ouais, et que j'avais vu Je l'ai acheté à l'époque au début, en DVD au début des années 2000. Il y avait des promotions sur les sites internet genre Cdiscount ou des trucs comme ça, et tu pouvais choper des DVD genre des imports belges. T'avais des films à 2€, 1,50€, et donc j'achetais une tonne. C'était bien avant, c'était l'époque où c'était compliqué de pirater. C'était Casa, c'était Imul, c'était ces trucs là et ça m'est j'étais obligé d'acheter des trucs, ça m'était du temps, je pouvais pas pirater. C'était plus rapide d'acheter des DVD à pas cher, donc j'achetais des lots de DVD sans savoir ce que c'était, et puis je m'attais plein de trucs et je suis tombé sur Memento. Et en fait, Memento, c'est l'histoire d'un mec dont la mémoire ne fonctionne plus. Et donc, pour que le spectateur soit dans la peau du personnage, le film est monté à l'envers. Et du coup, tu commences par la fin, évidemment, puisque le film est monté à l'envers. Mais ça n'empêche pas le fait que tu sois victime toi aussi de l'enquête. C'est parce que tu connais la fin tout de suite que tu vas pas te faire complètement retourner. Et moi, j'adore les films qui vont te twister un peu à la fin. Genre Fight Club, il y a un twist à la fin, Identity, il y a un twist à la fin, enfin ces films-là qui vont un peu te twister, et Memento, ça marche hyper bien pour ça, et du coup, sur le DVD, il y avait un chapitrage inversé, où tu pouvais revoir du coup le film avec les chapitres dans ça, le bon sens. Ça, j'ai toujours rêvé de le faire, ça, d'accord, parce que moi je l'ai pas ce DVD, j'ai le DVD mais pas cette version-là, mais c'est cool. Et du coup, si tu connais le film, il y a une partie qui est en noir et blanc, et donc elle est montrée dans l'ordre chronologique, et la partie qui est en couleur est montée dans l'ordre anti-chronologique. Et donc si tu regardes le chapitrage à l'envers, la partie en noir et blanc est elle dans un sens anti-chronologique, forcément. Ils n'ont pas remis toute la timeline dans le bon sens. Et du coup, ça donne aussi une autre saveur au film. Il y a un vrai... Et c'est là que tu vois que le montage est ouf, parce que tu peux voir le film dans les deux sens, en fait, et ça marche, vraiment. Et voilà. Mais parce et donc... que je vais pas spoiler, du coup, mais même si tu vois le film entièrement dans le bon sens, donc les passages en noir et blanc dans le bon sens et les passages en couleur dans le bon sens alignés, tu n'as pas de twist, on va dire, mais tu as un enjeu de ouf dans l'histoire que je ne vais pas donc dévoiler, oui. Mais qui est tout aussi intéressant et que j'aimerais bien voir si ça fonctionne vraiment, si on le voit dans l'ordre chronologique, et je pense que oui. Eh ben, j'ai toujours rêvé de le faire, mais j'ai eu la flemme. Mais c'est facile à faire, en fait. Hein. C'est un plan de 2 heures, hein, de remettre les chapitres dans le bon sens et de se taper la version oui, chronologique c'est ça, de pareil, j'ai... Ouais, ouais. Tu la mets sur Vimeo demain. J'ai eu la flemme aussi de... si tu veux. Un petit conseil ciné avant de se quitter, Chris et Yanda? Ouais, un petit conseil. Moi, je dis aux gens de regarder The Witch. The Witch, qui est un film qui doit dater de 2015, tu vois, dans ces eaux-là. Valentin, c'est tout, hein, il est vraiment incollable. The Witch raconte, en fait, aux États-Unis, à l'époque, un petit peu des colons, une famille hyper croyante, qui se retrouve excommuniée parce qu'elle est trop croyante, tellement le père est ultra pratiquant, et donc il se retrouve à aller vivre un peu dans une clairière en mode Charling Galt au milieu de nulle part, sauf que forcément, dans cette clairière un peu au milieu de nulle part, dans cette Amérique encore sauvage, il y a des forces obscures. Et c'est un film qui a été très mal vendu, dans le sens où quand tu matais la bande-annonce, tu t'attendais à un film d'horreur avec des jumpscares toutes les 5 minutes, comme sont les trucs genre Paranormal Activity et toutes ces merdes, et en fait pas du tout. C'est un film, on pourrait presque dire un film historique, un film d'ambiance surtout, tout est éclairé à la bougie, c'est toujours très tamisé, très travaillé, il y a un rythme très lent. Donc forcément, les gens qui attendaient du Paranormal Activity avec des jumpscares se sont fait chier et ont dit que c'était un film de merde. Mais c'est un vrai bon film, avec un vrai bon twist d'ailleurs, et l'un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma. Je suis complètement fan du méchant de ce film. Et voilà. C'est Thanos ? The Witch à voix. Non, c'est pas Thanos. C'est genre un vrai méchant, quoi, tu vois. Et j'adore. Ce film-là, il est excellent. Et vraiment, The Witch, c'est un coup de cœur pour moi. C'est pas un film d'horreur à proprement parler, c'est plutôt un film d'épouvante. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Un film de peur. Mais je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est pas un film. Il y a quelques scènes un peu gore. D'angoisse. Mais ouais, voilà. Enfin, c'est vraiment un film où l'ambiance est hyper travaillée. Et je parlais d'Argento tout à l'heure, c'est exactement ce délire-là. C'est des films avec une ambiance hyper travaillée. Et il n'y a pas de plan qui fait peur, parce que en fait, les plans qui font peur, ça n'existe pas vraiment d'après moi. Mais l'ambiance, elle, est vraiment très lourde, très pesante. Et ouais, c'est vraiment ça fait partie des meilleurs films d'horreur au sens hyper large que j'ai vu. Et franchement, faut voir The Witch, quoi. Voilà. Fin. Moi, j'ai pas de conseil ciné, mais je vais faire un conseil musique, du coup. Je vais placer mes deux derniers coups de cœur en date. Je vais placer mon premier EP. Non, je vous invite grandement à aller écouter, c'est dispo. Alors bon, je sais pas en fonction de quand sortira du coup le podcast un petit peu plus, mais c'est dispo depuis peu le dernier single de Woodkid, le français dont j'apprécie énormément le travail, qui a sorti un single Goliath que j'aime beaucoup et que je trouve toujours aussi atmosphérique. Et le clip aussi est très bien. Et j'ai pas encore vu le clip, ouais, mais il faut que j'aille le voir d'ailleurs. Mais en tout cas, le morceau en lui-même déjà est vraiment, vraiment ouf. Oui. Enfin, c'est du Woodkid typique et je suis très fan du travail de ce monsieur. Donc ça, c'est une première chose. Et après, je vous invite aussi à aller écouter un groupe surprise qui a été annoncé. Un groupe fondé par Travis Scott et Kid Cudi, qui sont deux artistes urbains, dirons-nous, qui ont un projet du coup en commun en groupe. Ils ont sorti un single. Le groupe s'appelle The Scots. Et il y a un seul morceau pour l'instant de disponible. Et c'est des artistes avec des univers très marqués, tendance quand même assez hip-hop. Mais du coup, l'alliance des deux fonctionne vachement bien. Et le morceau de Scots est en tout cas assez prometteur quant à leur collaboration future, qui du coup ne devrait pas tarder à arriver dans les mois à venir. Voilà. Je sais pas si tu l'as dit du coup, c'est français ou américain? C'est américain, ce sont deux américains. Ouais, ce sont deux américains. D'accord. Est-ce que tu as des liens d'affiliation, c'est pour mettre dans la description? Oui, tout à fait. Et alors surtout, le code créateur, c'est important. N'oubliez pas pour le support. Le code créateur? Ça fait deux fois que tu parles de ça, je sais pas ce que c'est. Vraiment, je sais pas ce que c'est. En fait, les codes créateurs, ça a été mis en place par des plateformes type Steam, etc. Et en fait, c'est l'affiliation via Steam, c'est-à-dire que tu as possibilité... alors, je dis Steam, mais c'est une plateforme de ce type-là. Steam, c'est une boutique de jeux vidéo en ligne. Exactement. Et en gros, quand tu fais un achat, tu as la possibilité de préciser un code créateur et en gros une partie de ton achat est reversée aux bénéficiaires de ce code créateur. Et c'est un running gag qui m'est venu, que j'ai honteusement repompé de Mister MV, dont je suis très fan, qui du coup le place. Alors le placer maintenant, il est passé sur un autre type de running gag, mais voilà, de façon un peu troll, le placer à outrance dans ses streams en rappelant à sa communauté que le code créateur pour soutenir le contenu était important et que le code créateur c'était Mister MV, sachant que je ne suis même pas sûr qu'il avait du coup un code créateur. Donc voilà, je trouve ça très drôle. Et le code créateur, pour nous, c'est les Staminerd. Voilà, c'est important. Quand je fais acheter des jeux sur Steam à mon frère et à ma sœur, je pourrais gagner de l'argent. Si t'as un code créateur. Après, alors la façon pour obtenir un code créateur, je sais pas exactement comment ça se passe. Ce sera le thème du prochain épisode. Exactement. On expliquera aux gens comment faire un code créateur. Voilà, je vais potasser sur le comment. Mais voilà. Peut-être oui. Du coup, si tu as un code créateur et que tu veux faire acheter des jeux Steam aux gens, pense à ton code créateur. Les Staminerd, voilà. Pour nous. Merci à la communauté. Eh ben merci de nous avoir suivis, merci d'avoir passé ces plus de 2 heures avec nous. C'était une très très très très longue occurrence de l'Estaminerd. Ouais, c'était les Happy Hours, c'est pour ça. On est resté un peu plus tard que prévu. Il y a 20 minutes qui nous appartiennent pas non plus, hein, qui ont été ponctionnées par un espace-temps différent, alternatif, une sorte de faille temporelle. Absolument. Un univers alternatif qui s'est présenté à nous. Merci les gars. D'avoir j'ai pas écrit de conclusion, j'ai pas de voilà, on va comme d'habitude. Oui, mais tu improvises tellement bien. La preuve, tu vois, là, je suis à court de mots et je sais pas. Ça tombe bien, de son moi je dois y aller, parce que j'ai ma bagnole en double fil là depuis tout à l'heure à cause de l'autre con de Melkaï qui a fait son jeu là. Attention, il y a fourrier avant. Oh, ma bagnole. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas de personnage dans le Lampe Torcheverse. Voilà. Je suis le seul à ne pas avoir vraiment de personnage. C'est un scandale. Et parce que tu es toi-même un personnage, Matt. C'est pour ça. C'est vrai. On sait tous que t'es pas vraiment comme ça dans la vraie vie. C'est vrai. Tu sais... Non, mais en plus, pas. Oui. C'est drôle parce que c'est vrai. Et en plus, ça fait réfléchir. Du coup, qu'est-il arrivé au Matt du Lampe Torcheverse? Vous le saurez peut-être dans le prochain épisode de l'Estaminerd. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Merci de nous avoir suivis. Activez la cloche. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Soyez gentils. Absolument. Lavez-vous les mains. Et puis suivez Comics Race V pour Valentin et Mister Yanda sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur vos plateformes personnelles. Et mettez-vous en plein les fouilles.